Et aussi, bien sûr, le commentaire et le souci sur le lait lui-même, et surtout sur son titre, que ce soit le Chétivel, est-ce qu'il doit vraiment l'appeler Chétivel ou les Quatre Deuils, le Chèvrefeuille, qui mentionne justement littéralement le titre, qui a aussi un titre anglais, le Gotlef, ou Elly Duc, qui devrait peut-être s'appeler Guildeluec et Gwyliadon, si on voulait suivre les vœux de Marie de France, pour mieux souligner qui est le héros. Ce qui est pas complètement cohérent, parce que certains des laits qui sont nommés d'après les protagonistes ne sont pas en fait les héros non plus. Je trouve que ça traduit bien l'anxiété autour de la traduction, autour du statut linguistique et de la transmission de ces textes. C'est pas celle que je connais. Tout à fait. Excusez-moi, j'ai pas percuté. Non, non, l'autre, elle est morte. Les articulations soutenaient plus son poids. Donc elle a commencé par se remplir d'eau par les coudes, et après c'est passé aux chevilles, c'est remonté aux genoux, et un matin, elle avait tellement gonflé que j'ai appelé la garde. Alors, ils sont venus, ils ont mis un coup de lance, et puis elle a essayé de se faufiler comme ça pour se cacher sous le buffet. Puis, quoi, 6 heures après, elle était crevée. La reine s'emporte à temps, en sa chambre en vie pleurante, mood fidolante et curieux de ce qui l'outil avilé. Alors là, je cherche, mais je me souviens pas m'être autant tapé la honte comme ça. Rex Quandam. Rex Quae Futurus. Épisode 14. Les laits de Marie de France. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quandam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et aujourd'hui, encore une fois, on va faire un petit retour en arrière sur des thèmes un peu amoureux. On va beaucoup parler d'amour aujourd'hui. On s'éloigne un peu de ces grands cycles du Graal et de ces romans aventureux, même si on va avoir quelques petits exploits chevaleresques aujourd'hui. On va vous parler des laits de Marie de France. Marie de France, c'est une poétesse on dont suppose. On ne sait pas si elle était... On suppose que c'est une poétesse parce qu'on ne connaît son nom que par justement des textes qui lui sont attribués. On sait juste qu'elle a travaillé, en tout cas dans la deuxième moitié du XIIe siècle, probablement, qu'elle a pu naître en France, mais il semblerait qu'elle ait essentiellement vécu en Angleterre, ou en tout cas travaillé en Angleterre. Elle semble avoir été, en tout cas, dans l'environnement proche de la cour d'Henri II. On a pensé, on a plusieurs noms qui ont été évoqués, hein, on va pas tous les lister, mais il y a plusieurs, disons, personnes qui auraient pu, pas mal d'abbesses en fait, des abbesses comme... Des femmes qui s'appellent Marie... Marie de Shaftesbury, qui était une demi-sœur d'Henri II, d'Angleterre, Marie de Reading, Marie de Boulogne, Marie de Melun, qui était la femme de Hugh Talbot, donc un homme de l'entourage aussi des rois d'Angleterre. Une candidate intéressante, c'est Marie de Barking, Marie qui est abbesse de Barking, qui est en fait la sœur de Thomas Becket, qui était disons, une candidate un peu intrigante parce que à cause de ses liens avec un autre personnage historique célèbre, on ne sait pas laquelle de ces femmes, si c'est une de ces femmes, est Marie de France. On ne sait pas si c'est un pseudonyme, on ne sait pas si c'est simplement une convention littéraire. On sait juste qu'il y a ce nom effectivement qui apparaît dans un délai, et c'est à peu près tout. On sait que les 12 laits ont plus ou moins certainement la même disons origine dans le même auteur en tout cas, ou la même autrice en l'occurrence. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur elle, donc c'est vraiment pas grand-chose. Oui, c'est au troisième vers du lait de Guigmar, elle dit « Oyez Seigneur, que dit Marie, qui en son temps pas ne s'oublie ?» Donc elle s'appelle Marie, et on a d'autres recueils de textes, notamment l'Expurgatoire, le Purgatoire de Saint-Patrice, qui est une traduction... Saint-Patrice ou Patrick. Plutôt, il est plutôt connu comme Saint-Patrick de nos jours. Qui est une traduction du Tractatus de Purgatorio Sancti Patrici d'Henri de Saltry. Donc toujours un lien avec un peu l'Angleterre, mais qui est aussi intitulé par une certaine Marie, qui dit « Moi, Marie, j'ai mis en mémoire le livre de l'Expurgatoire ». Et enfin, il y a une troisième Marie, dont on suppose toujours que c'est la même, qui est l'auteur d'un Isopée. Isopète, qui est donc en fait un recueil de fables. Ce sont des fables que vous connaissez probablement parce qu'elles sont... aujourd'hui, on les connaît par La Fontaine, mais c'est des fables d'Ésope, en fait. Typiquement, le corbeau et le renard. Isopète, donc. Isopète. Et ce qui laisse penser que ces trois maris sont la même, c'est qu'il y a un peu le même genre de souci, qui est de conserver littérairement la mémoire de quelque chose ou de le rendre adaptable. Donc, on prend un texte religieux, le purgatoire de Saint-Patrick, où Saint-Patrick a une vision infernale, en tout cas des tourments après la mort, et on le traduit en langue française. On prend les fables d'Ésope, on les adapte en français, et on prend des Les Bretons, que les Bretons ont mis en mémoire, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, et on les adapte en français. Donc on pense que c'est la même personne, parce qu'il y a toujours ce souci de préserver par écrit un contenu qui serait moins accessible ou qui serait pas disponible dans cette langue, en fait. On sait qu'elle est, elle a écrit dans un dialecte qui est francien, donc qui est d'Île-de-France, plus ou moins, mais qui est quand même influencé un peu par l'anglo-normand. Beaucoup de manuscrits sont anglo-normands. Donc on pourrait inférer une origine, disons, française. On peut inférer, parce qu'elle est connue à partir de 1180 par des poètes qui sont dans le cercle d'Henri II et d'Eleanor d'Aquitaine, d'Aliénor d'Aquitaine, qu'elle est connue à cette époque-là, qu'elle aurait, disons, peut-être née de France, elle serait passée en Angleterre. Et qu'elle aurait eu cet intérêt. On lui attribue aussi parfois une vie de Saint-Audrey, basée sur Saint-Audrey d'Ely, donc, qui est une cathédrale anglaise, Ely, hein, encore une fois. Donc, des liens avec l'Angleterre semblent assez clairs, même si les laits en question dont on va parler sont assez directement bretons, c'est-à-dire armoricains, et pas bretons dans le sens où on l'a entendu jusque-là, britons, britonniques. Ouais. Les textes ne sont pas spécialement gallois. On y trouve vraiment des liens avec la Petite-Bretagne, assez fréquemment. Oui. Elle mentionne, par exemple, dans le Lettre Guigmar, dont on a déjà parlé, elle mentionne littéralement la Bretagne la Menor, donc la Bretagne la Mineure, la Petite-Bretagne, ce qui est donc la Bretagne française, l'Armorique. Et donc, il y a un seul manuscrit qui contient les 12 laits qu'on attribue généralement à Marie de France, c'est le manuscrit Harley à la British Library 978, qui les contient toutes avec un prologue, dont on pense qu'il est aussi de la même autrice. Ils sont contenus, certains, dans d'autres manuscrits, mais c'est le seul qui les contient tous comme un ensemble. Et c'est généralement pour ça qu'on considère qu'il n'y a que ceux-là qui sont vraiment de Marie de France. Même si vous regardez les vieilles éditions, par exemple l'édition Roquefort, qui date de 1832, une vieille édition bilingue, bah, vous avez deux laits en plus qui sont rattachés, qui sont considérés comme étant de Marie de France, le Greland et le lait de l'Espine. Qui sont attachés, parce que en fait, les autres laits bretons qui sont anonymes généralement, on va parler un peu des éditions, certaines éditions les mettent ensemble, bah, c'est vraiment le même genre. Et du coup, il y a un peu disons, les deux pôles du débat sur Marie de France, c'est que d'une part, on essaie d'insister sur le caractère breton ou celtique de la matière des laits qu'elle met en œuvre. Par exemple, récemment encore, il y a Bernard Sergent qui a fait un livre en 2014, je crois, sur l'origine celtique des laits de Marie de France, où il fait des comparaisons avec la littérature médiévale irlandaise, médiévale galloise, où il essaie de montrer que non, c'est pas une invention, parce qu'il y a l'optique opposée qui est Marie de France a basiquement inventé le lait à elle toute seule. Parce que c'est vrai que quand on regarde ce genre littéraire, c'est très difficile de voir des apports autres que celui de Marie de France. Et même Bruce, par exemple, en 1932, disait encore « Il n'y a pas de preuve convaincante, je traduis, qu'avant Marie de France, des laits narratifs existaient en littérature française. Elle est sans doute la créatrice du genre et son génie semble avoir dominé la brève vogue de ce genre littéraire. » Et donc, bah, d'une part, il semble, ça a l'air assez convaincant que Marie de France s'appuie sur un matériel qui est vraiment breton. Mais d'un autre côté, c'est vrai que son influence marque certainement tous les autres laits qu'on voit. Et c'est un genre littéraire qui est quand même assez homogène. Il semblerait en tout cas que les Bretons, la Petite-Bretagne, est colonisée par des peuples britanniques à partir du 4e, 5e siècle. Donc c'est des gens qui viennent essentiellement du Pays de Galles et de la Cornouaille actuelle, d'où les noms d'ailleurs qu'ont les comtés bretons. Le Léon, c'est probablement dérivé de Caer Léon. La Cornouaille, bah c'est les Cornouailles. Donc il y a un lien assez fort, mais pour autant, c'est pas nécessaire que ces traditions-là aient une origine galloise, exactement. Elles ont pu se développer indépendamment, elles sont très différentes dans la forme, dans certains cas dans le sujet et dans les thèmes. On n'y retrouve pas, par exemple, de triade, on n'y retrouve pas le même genre, disons, d'étrange. On a certains milieux un peu étranges, un intérêt pour le féerique, qui est peut-être similaire, mais c'est pas exactement la même chose. Donc il est assez improbable qu'on puisse voir dans ces textes celtes une origine, disons, dans la matière de Bretagne galloise. Ça peut pas être le chaînon manquant, typiquement. Ça peut pas être là qu'on peut voir un chaînon entre ces textes arthuriens gallois qu'on a vus et les chrétiens de Troyes, par exemple. Parce que ces textes bretons sont aussi très différents, finalement, de ces textes gallois qu'on a vus aussi. Ils sont beaucoup plus courts, ils sont beaucoup moins intéressés, par exemple, par les triades. L'île de Bretagne en elle-même est moins intéressante. On y mentionne des endroits, Il semble y avoir une connaissance des lieux. Mais voilà, pour autant, on ne peut pas parler de ces Les Bretons vraiment comme d'un chaînon manquant ou d'une origine possible pour la matière de Bretagne, telle que la pratique chrétienne, par exemple, et ses successeurs, parce que ces textes n'ont pas grand-chose d'arthurien, sinon incidemment. Donc il ne semble pas probable que ce soit un chemin possible pour la matière de Bretagne. Ils restent différents, ils se sont développés indépendamment du reste. Ils ont peut-être certaines caractéristiques en commun, mais ils ne sont pas vraiment arthuriens et ils n'ont pas vraiment de filiation directe avec la matière de Bretagne. Oui, parce que si on veut être honnête, c'est un sujet qui est un peu hors sujet pour nous, parce qu'il y a très peu de ces legs qui sont véritablement arthuriens. Le seul qui est vraiment arthurien, c'est Landval, où vous avez Guenièvre, Arthur et un sujet véritablement arthurien. Tristan et Iseult font une apparition dans le Lait du Chèvrefeuille, donc comme on l'a vu la dernière fois, ils sont connectés de façon très périphérique à la matière de Bretagne. Le reste, ça ne nous donne pas grand-chose d'arthurien, on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment les lieux ou les personnages qui rendraient ça techniquement arthurien, mais on a quand même des parallèles assez forts parce qu'on pioche un peu dans ce merveilleux breton, ce merveilleux celte, si on veut. Typiquement dans le Lait de Guigmar, on a la chasse de la biche blanche, c'est comme ça que commence Erec. Voilà, des parallèles avec Chrétien et un matériel un peu folklorique qu'on va retrouver parfois dans certains textes arthuriens, en fait. Et même si cette tradition du lait semble s'être développée indépendamment de la littérature galloise qu'on a explorée aussi, il y a quand même des liens, il y a clairement une parenté, il y a des interactions aussi avec des textes anglais, il semblerait. Alors c'est assez curieux parce que Marie de France mentionne à quelques reprises des versions, des noms anglais pour certains de ces éléments. C'est le cas aussi dans Tristan d'ailleurs, ce qui est intéressant parce qu'il n'y avait pas une grande littérature en moyen anglais à l'époque, c'est plutôt nouveau. Donc il y a clairement une interaction, c'est un milieu entre les deux langues celtes, enfin le gallois, le breton, et entre l'anglais et le français. Donc c'est quelque chose d'assez, finalement, où il y a beaucoup de traditions qui se rencontrent. Et peut-être que c'est là aussi qu'on voit la création de Marie de France, c'est en synthétisant des éléments qui existent déjà, mais qui vont former un genre cohérent, en tout cas en français, sous sa plume ou sous sa voix. Parce qu'il faut voir que le lait, justement, il y a d'autres laits qui sont aussi, qu'on appelle les laits anonymes, on va en parler dans un instant, notamment le lait de Désiré, Greland, Guingamore, Dawn, Melion, Épine, Tidorel et Thiolet, ce dernier est assez intéressant parce qu'il fait un peu penser à l'histoire de Perceval par moment. Des laits didactiques, des laits de genre fabliau, des laits même parodiques aussi. Généralement, on a ces quatre grands ensembles de laits. Les laits parodiques, c'est peut-être un peu plus tardif, hein, ça. Oui. Mais c'est des choses à qui on attribue le titre de laits qui sont souvent en fait des romans plus ou moins humoristiques ou dans un sens un peu différent. La frontière n'est pas toujours claire entre ce qui est un lait, ce qui est plutôt un fabliau, vous avez une espèce de petite moralisation, ou bien même, on a du matériel qui nous ferait carrément penser à des contes. Hein. Certains des laits qu'on va voir aujourd'hui, on a des parallèles avec le thème de Podane, le thème de Griselidis, où c'est là qu'on va voir pour la première fois des c'est-à-dire qu'avant, disons, on n'a pas encore cette frontière de genre qui est complètement claire. Et c'est ça qui rend aussi ces choses intéressantes, à mon avis, pour voir un peu comment ces motifs évoluent en parallèle. Aussi, il faut dire qu'un des thèmes qui est centraux dans ces laits, c'est celui de l'amour. Même si, bon, c'est des histoires d'amour, mais c'est des histoires qui se finissent assez mal. Mais un truc que je trouve intéressant, c'est que dans un petit moment, quelques épisodes, on vous parlera du cycle du Lancelot Graal, où il y a notamment le Lancelot en prose. Et il y a une scène que je trouve intéressante, c'est qu'il y a un moment où Lancelot est fait prisonnier par Morgane, elle le laisse partir secourir Gauvain, enfin voilà. Mais du coup, pour tester son amour pour Guenièvre, elle l'envoie avec une demoiselle tentatrice qui essaie de coucher avec lui. Et quand le romancier anonyme nous la décrit, il nous dit qu'elle l'excite par tout ce qu'elle juge de nature à échauffer ses sens, enlève sa guimpe pour montrer son visage et sa tête d'une merveilleuse beauté, chante des laits bretons et d'autres chansons agréables et gaie d'une voix nette et claire. Elle parlait le breton, le français et beaucoup d'autres langues. Donc déjà, je trouve assez intéressant ce le fait qu'on mentionne le potentiel érotique du breton où Lancelot est échauffé par la beauté de la langue bretonne. Mais ça semble être aussi un indice qu'effectivement, à l'époque du Lancelot, donc au XIIIe siècle, on considère que les bretons peuvent être dits en breton, qu'il y a une tradition indépendante. Et on est probablement un peu plus d'une cinquantaine d'années après Marie de France, et on voit que ça reste encore dans le même genre de registre. Que ces laits, ça reste synonyme finalement de potentiel, peut-être même de séduction, ou c'est lié à cette littérature un peu, au sens moderne, romantique en fait. Disons, c'est quelque chose qui va être aussi repris plus tard, bien plus tard. Au XIVe siècle, les laits bretons forment une partie, disons, des contes de Canterbury, remplissent un peu cette figure du lait breton. Le conte de la femme de Bath, par exemple, elle le décrit comme une histoire dont les bretons firent un lait. Elle prend un discours qui est très inspiré de Marie de France, mais en anglais. C'est beaucoup plus tardif, donc ça veut dire qu'il y a ils ont une perception de ce genre peut-être un peu figée, mais qui va rester. Ça va pas avoir le succès des romans, mais il va rester là. Peut-être préciser aussi que le lait est un genre qui est peut-être encore plus, disons, méta que le roman. Les laits de France sont toujours décrits, les laits de Marie de France sont toujours décrits comme des histoires dont les Bretons ont fait un lait. Donc on ne sait jamais vraiment si le lait dont elle parle, dont le narrateur ou la narratrice parle dans l'histoire, c'est ce lait qui est en train d'être raconté, ou si c'est un autre lait et que ce lait qu'on écoute est un résumé, une traduction, une version différente du lait. Donc il y a une fluidité là-dedans aussi, c'est possible que ce soit un peu de tout à la fois. Et on aime aussi beaucoup discuter le titre, quel est le titre approprié à donner ce lait, et puis certains des laits discutent explicitement, est-ce qu'il vaut mieux l'appeler Chétivelle ou les quatre deuils, est-ce qu'il faut plutôt l'appeler Deliduc ou du nom de ces deux femmes successives. Donc il y a quand même ce débat sur au sein de la forme du lait qui est assez intéressante. Puis un thème qui est des histoires d'amour, mais comme on va le voir, qui se finissent généralement plutôt mal. Ce qui est intéressant, c'est que formellement, de la pure forme, c'est un peu comme des romans courts, en fait. On est dans le même genre de vers, on est dans des rimes plates, on est dans un truc qui a les figures de style, le ton va être assez similaire, mais beaucoup plus ramassé, en fait. Ils font quelques centaines de vers, généralement. Le plus court, je crois que c'est le chèvrefeuille qui fait 118 vers, et le plus long, de loin, c'est le lait d'Eliduc qui fait 1184 vers. Mais ça reste très court, à l'échelle des romans qu'on a vus aussi. C'est des vers courts, mais généralement, c'est quelques centaines de vers. Voilà, le thème est assez différent, beaucoup plus centré, comme on l'a dit, sur l'amour, sur les relations, que sur, par exemple, la vie d'un chevalier, ou les exploits d'une personne en particulier, en général. On peut peut-être vous dire un mot sur les éditions qu'on a utilisées pour cet épisode. Comme d'habitude, il y a une version d'Hélène Marie de France bilingue aux lettres gothiques qui est assez bien, avec une petite introduction qui met un peu en scène ce qu'on sait ou ce qu'on suppose de cette autrice qui date de 1990. Il y a aussi une édition que tu as utilisée chez Honoré Champion. Qui est un peu plus complète, qui a beaucoup plus de notes. En fait, j'ai l'impression que la version de lettres gothiques, elle est à peu près trois fois plus massive. Il faut dire aussi qu'elle contient quelques lettres anonymes. La version que tu as employée des lettres gothiques, je crois qu'on prend aussi des fables. Elle met trois fables et un extrait du purgatoire de Saint-Patrick. Voilà, alors que le volume, disons, Les Bretons, 12e, 13e siècle, Marie de France et ses contemporains, donc édité et traduit par Nathalie Coblet et Mireille Segui, lui va se concentrer sur le Les Bretons en tant que genre. Donc, d'où, disons, les laits qui ne sont pas de Marie de France, qui occupent à peu près, je crois, quelque chose comme un tiers du volume. Donc on est face à quelque chose d'un peu plus large. L'édition est très bien. Alors moi, j'ai la traduction est très agréable à lire. L'appareil critique est utile, même si parfois un peu envahissant sur certains sujets où on sent la maîtrise un peu moins forte. Mais il y a l'avantage de celui de Champion, c'est qu'il comporte comme une longue introduction sur le genre du lait, pas mal de discussions sur aussi la forme et cette espèce de genre un peu bizarre qui n'a pas vraiment survécu aussi longtemps que le roman, par exemple. Et précise notamment les caractéristiques des manuscrits. Il y a, je crois, en tout, quelque chose comme 5 ou 6 manuscrits qui ont survécu de façon assez importante, des Les Bretons, en plus de ce manuscrit Herlé 978, donc qui comprend c'est l'intégralité de ces laits, ce prologue, disons. Oui, je ne l'ai pas dit, c'est l'édition aux lettres gothiques. Il se base sur l'édition de Karl Warnke pour l'établissement du texte et traduction, présentation et annotation de Lawrence A. Flankner, qui amende quand même quelques vers, qui amende quand même quelque chose qui ne sont pas forcément compréhensibles, mais très, franchement, qui va très bien pour ce genre de choses. Et si vous êtes un peu pingre, il y a aussi l'édition que j'ai mentionnée plus tôt de Roquefort en 1832, que vous pouvez trouver en ligne, où vous avez le texte, c'est pas une édition critique, mais vous avez le texte et la traduction, donc si vous voulez juste jeter un œil, ça peut aussi vous servir, mais bien sûr, faut pas trop se reposer là-dessus. Ah, peut-être préciser aussi qu'il y a une tradition de ces laits, donc de traduction. Là, on nous a parlé que des manuscrits français, il y a des traductions, bien évidemment, en anglais. Le lait breton va un peu se confondre avec le roman, la romance. Les romances anglaises sont en général plus courtes que les romans français. Il y a peut-être aussi à avoir une influence du lait breton là-dedans. Oui. Et ça a évidemment été aussi traduit en norrois. En norrois, dans les Strengleikar. Voilà, toujours sur le règne d'Haakon le Grand. Enfin, c'est Haakon le Grand, il me semble. Haakon IV, je crois. Entre 1217-1263. Là, c'est des traductions du français en norrois. Pas mal de laits ont été traduits en norrois, si ça peut intéresser quelqu'un qui veut parler de la réception, disons, de ces textes français dans un milieu très différent. Et puis le lait de Landval a eu un succès indépendant, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs laits moyen anglais sur le thème de Landval. Oui, Landval est resté une figure assez importante en moyen anglais, effectivement. Et puis même des romans, encore jusqu'à nos jours un peu moins, mais il y a quand même, disons, des romans, je pense, victoriens ou comme ça, qui font intervenir le personnage de Landval. Il a eu un succès un peu indépendant en termes de chevalier, alors qu'il n'est pas tellement intégré au reste du cycle. Mais il faut dire aussi que c'est peut-être parce qu'il est justement arthurien qu'il a eu un succès certain. Je ne suis pas sûr qu'on parlerait beaucoup de Landval si, comme Éliduc ou comme... je sais pas, comme Gangmar, il n'était pas ou Fren, ils n'étaient pas liés à la matière de Bretagne plus directement. C'est peut-être de là que vient ce succès. Et aussi, le thème, on va le voir, de Landval est très, disons, très connu et quelque chose de très que les gens auraient connu. Donc, il est peut-être plus facile à rattacher à une tradition littéraire indépendante qui remonte à la Bible, en fait. Et sans plus de prorogation, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on vous retrouve tout de suite après pour vous présenter ces 12 laits de Marie de France. Donc on va commencer, on va les présenter dans l'ordre du manuscrit Harley 978, on va pas... Peut-être quelques mots sur le prologue d'ailleurs. Oui, un petit prologue qui n'est pas un lait vraiment, mais qui présente un peu l'œuvre et cet ensemble de laits. Il faut peut-être préciser justement que c'est intéressant qu'il y a vraiment une préoccupation dans ce prologue avec le fait de transmettre l'œuvre, de ne pas négliger des œuvres du passé... Et la volonté derrière l'œuvre de d'abord vouloir raconter une histoire tirée du latin. Y a le sentiment en fait que dans ce prologue, on décrirait disons, la gloire des auteurs qui transmettent depuis le latin des doctes histoires, mais que ça a déjà été fait 100 fois et que du coup, l'auteur, l'autrice veut présenter quelque chose d'un peu différent, qui n'aurait pas eu effectivement ce qui a été fait 100 fois. Et elle va s'intéresser à des laits qu'elle a entendus. Et l'idée qu'il serait important de maintenir ces laits en fait dans la culture, même si, pour qu'ils tombent pas dans l'oubli en fait. Et elle dit les mettre en vers et en rime, ce qui impliquerait qu'ils ne seraient pas forcément à la base, ou alors peut-être plus simplement le mettre sur le papier quoi, ou le fixer. En vers et en rime, oui. Ou peut-être que la métrique bretonne était un peu différente aussi. Voilà, il y a peut-être une notion de traduction aussi là-dedans effectivement. Et c'est dédié justement à un noble roi qui semble être effectivement Henri II, que ce prologue est dédié. Et c'est là que sur ces 56 lignes donc qu'on va commencer sur une œuvre qui va présenter du coup le nom de Marie. Oyez Seigneur, que dit Marie? Et ainsi commence donc le premier lait, celui de Guigemar. Donc le chevalier Guigemar, son gros problème c'est qu'il ne ressent pas l'amour, donc il est un peu de marbre face à tout ça. Et un jour, il chasse une biche blanche, donc on a dit que c'est quelque chose qui commençait aussi le hérèque de Chrétien. Mais elle est un peu spéciale parce qu'elle a des bois de cerf. Alors je sais pas comment il fait la différence entre une biche blanche avec des bois de cerf et un cerf, mais disons il a apparemment un œil où il est là, il a l'œil, et il du coup après il lui tire dessus une flèche, mais la flèche rebondit dessus et se plante dans sa cuisse. blessant d'ailleurs son cheval, donc ça passe à travers sa cuisse, ça blesse même son cheval, et la biche se met à lui parler. Ce qui est un motif qu'on trouve aussi dans certaines vies de saints, où il y a la bête chassée qui se met à parler à la personne qui a tué. Mais là, donc, la biche lui parle et lui dit qu'il ne pourra être guéri de cette blessure que par une femme qu'il aime et qui souffre pour lui, et pour laquelle lui-même souffrira. Donc elle lui dit, toi, elle sait que tu ne connais pas l'amour, mais un jour, tu seras dans une telle relation passionnelle, et aucun autre remède ne sera efficace, ta blessure ne pourra pas guérir. S'ensuit qu'un jour, il monte dans un navire sans pilote, qui est un thème qu'on retrouve aussi dans certaines histoires arthuriennes ou para-arthuriennes médiévales. Mais donc un navire sans pilote qui l'emmène dans la terre d'un seigneur qui a cloîtré sa femme. Donc là, on a un thème qui va revenir régulièrement, c'est celui de la femme mal mariée. Elle se retrouve avec un vieux seigneur ou un seigneur pas très gentil qui l'enferme dans une tour parce que bon, il voudrait pas qu'elle fricote à côté. Mais lui, cette tour, en fait, elle donne sur la mer. Donc elle peut pas s'échapper parce qu'elle donne juste sur la mer. Mais le bateau, du coup, arrive et lui permet d'entretenir une relation avec elle. Elle est enfermée avec juste une servante et puis un prêtre qui est impuissant ou castré. Enfin, en tout cas, qui ne peut pas... Il n'y a pas vraiment de risque de tentation de ce côté-là, de ce que nous dit le texte. Il y a quelques scènes de tournant amoureux avant qu'ils ne s'avouent leur amour, parce qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais ils ne veulent pas immédiatement se le dire. Et Guigemar vit avec elle une espèce d'idylle en secret et elle soigne sa plaie. Et après un an et demi de bonheur, elle sent que quelque chose ne va pas, elle pressent que quelque chose va mal tourner. Et le texte nous dit que la roue de la fortune tourne. Marie nous utilise ce motif de la roue de la fortune, où on est au-dessus, puis après on est en dessous. Elle pressent qu'ils seront séparés. Et elle fait donc un nœud au bas de sa tunique, en lui disant enfin qu'il refuse toute compagne qui n'arriverait pas à le défaire. Donc elle attache le bas de sa tunique à un nœud que personne n'arrivera à enlever. Et en retour, lui, il lui met une ceinture que lui seul pourra enlever. Donc une espèce de dispositif de chasteté, en fait, plus ou moins explicite. Hein, soit le bas de la chemise, soit la ceinture de chasteté. C'est presque littéralement des ceintures de chasteté. Mais en tout cas, c'est une épreuve que eux seuls pourront enlever. Et ça tombe bien parce qu'ils sont effectivement surpris par un chambellan traître le jour même. Et Guigemar est sur le point d'être exécuté par le mari de la dame, mais il se demande déjà comment est-ce qu'il est arrivé là, puis il raconte son histoire, puis il dit n'importe quoi, t'as pas pu arriver là dans un bateau sans pilote. Et il dit si, on l'amène au bateau, et ils se disent que sans équipage, il échouera de toute façon, parce qu'ils y croient pas, ils sont là, genre c'est des conneries, du coup ils le mettent dans le bateau, et puis le bateau part magiquement. Mais du coup ils se disent, ah, bon débarras, il va pas réussir à naviguer tout seul sur ce bateau. Le bateau le ramène chez lui, où un de ses valets le retrouve, et puis il est déprimé d'être séparé de son amante. On essaie de le marier, mais aucune dame n'arrive à défaire le nœud de sa tunique. La dame est déprimée de son côté, et elle décide d'aller au bord de la mer se noyer où Guigemar était arrivé, justement, parce qu'elle songe à lui, et elle se dit qu'elle va se noyer là, où on a lancé Guigemar sur l'océan. Et il trouve aussi le navire est de retour, elle monte dessus, elle s'évanouit dessus, et le navire l'emmène chez un seigneur nommé Meriadoc, qui la convoite, mais n'arrive pas à défaire sa ceinture. Et tous ses chevaliers essayent sans succès de défaire la ceinture qu'elle a autour de la taille, mais personne n'arrive. Il dit « Ah, c'est bizarre, parce qu'il y a aussi un type bizarre dans le royaume qui a une tunique bizarre que personne n'arrive à défaire. » Elle s'évanouit, les gens s'évanouissent beaucoup, comme dans beaucoup de textes médiévaux, mais... Et lors d'un tournoi, elle et Guigemar se retrouvent et ils défont leur nœud mutuellement, ils défont la ceinture et le nœud. Mais Meriadoc refuse de laisser la dame partir. Donc Guigemar fait la guerre à Meriadoc et il réussit à le vaincre et à retrouver sa femme. Un élément intéressant là-dedans, c'est que la guerre et l'expédition, dix lignes. Hein. Ouais, c'est très courant en fait. Les Bretons ne s'intéressent vraiment pas beaucoup à la chevalerie en termes martiaux. Mm-hmm. Très rarement en fait, il y a des choses détaillées qui sont précisées. Donc quand il y a de les guerres, elles sont instantanées. On verra ça dans les Liducs aussi. Il vient faire la guerre, mais ça se fait. Il y a un petit passage sur son expédition, mais c'est pas quelque chose qui intéresse autant Marie de France que, par exemple, Chrétien, qui va quand même parler un peu plus de façon un peu plus détaillée. Ce qu'on a mentionné, c'est que la Bretagne, la petite Bretagne était mentionnée, Bretagne la Menour, donc c'est littéralement l'Armorique. Et un autre truc que je trouve intéressant, c'est que Ovid est cité pour ses traités amoureux, donc probablement L'Art d'aimer, qui a quand même eu pas mal de succès. On avait vu qu'il avait été traduit, notamment probablement par... Enfin, Chrétien disait l'avoir traduit ou adapté. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que même c'est le breton, quand même cette connexion à la culture classique. Mais du coup, c'est un lait qui est assez long, un peu moins de 900 vers, donc pour les laits de Marie de France, c'est assez long. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on précise de nouveau hein, le conte que vous venez d'entendre. Sur ce conte-là, on a composé le lait de Guigemar, qu'on joue à la harpe et à la rote, et sa mélodie en est harmonieuse. Ce qui sous-entendrait que... C'est mis en musique. C'est mis en musique, mais que ce n'est pas la version que vous entendez là. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Ou alors peut-être c'est un commentaire sur la performance qui a pu être faite. On a peut-être joué ces contes, effectivement. Mais ça semble assez intéressant comme figure littéraire, disons. De présenter le texte et de... Voilà, de présenter ça comme vraiment une sauvegarde d'une culture orale. Mais du coup, la fin est relativement heureuse, ce qui n'est pas forcément le cas dans le lait suivant, dans le manuscrit Harley, le lait d'Équitan qui fait 320 verres, qui est beaucoup plus proche d'un fabliau, en fait, avec une espèce de morale assez sinistre. En gros, vous avez un roi, Équitan, justement, qui entretient une relation avec la femme de son sénéchal. Donc c'est un peu... il essaie d'être discret. Mais elle refuse d'abord, de par l'inégalité entre leurs positions sociales, parce qu'elle dit « mais vous êtes un roi, je devrais pas... » Enfin, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de glauque dans cet ascendant, mais elle se laisse convaincre par sa dévotion. Et alors que la cour essaye de le pousser à se marier, c'est aussi un motif qui revient régulièrement, les proches du roi ou du seigneur essayent de le pousser à se marier parce qu'il peut pas rester célibataire. Puis alors, bien sûr, ils sont chagrins, parce qu'ils ont une relation qui est sympa, mais ils peuvent pas se marier, il veut pas se marier avec une autre, il veut pas la quitter, mais voilà, il peut pas se marier avec elle. Et du coup... ça la chagrine, et après une petite discussion, elle accepte d'essayer de se débarrasser de son mari. Donc ils se disent immédiatement, on va le tuer, comme ça, ça résout le problème. Elle lui prépare un bain qui serait si chaud que cela l'ébouillanterait, en fait. Un bain d'eau bouillante, genre il monterait dedans et il mourrait. Puis le roi lui dit, on pourrait aller se baigner ensemble, etc. Mais imprudemment, ils couchent ensemble juste à côté du bain en attendant, et la servante qui fait le guet laisse passer le mari, parce qu'il frappe tellement à la porte qu'elle est obligée de le laisser passer. Et le roi, alors qu'ils sont surpris au milieu en train de fricoter, le roi saute dans le bain pour se cacher en oubliant qu'il est bouillant, et il y meurt instantanément. Et voyant cela, et comprenant ce qui était en train de se tramer, le sénéchal, il prend sa femme et il la jette la tête la première dans le bain pour qu'elle meure aussi ébouillantée. Donc, Marie conclut, à bien réfléchir, on pourrait tirer une leçon de ce récit, celui qui cherche le malheur d'autrui voit le malheur retomber sur lui. Donc une espèce de morale sur what goes around, come around. On a aussi une précision assez intéressante à la fin, c'est que de nouveau, on nous dit que les Bretons en ont fait un lait, donc il semblerait que voilà, ce texte-là existe en breton, on fait un lait, moi je vous donne la traduction, et qui nous dit que la morale, c'est en fait finalement aussi que c'est la mort d'Équitan et de sa dame qu'il a démesurément aimé, pas de façon équitable du coup. Ça c'est intéressant, je trouve, parce que le texte est très focalisé effectivement sur l'amour impossible, et alors qu'en fait ils sont les méchants de l'histoire à la base, ils veulent, c'est un peu les diaboliques en fait de Clouseau, ils veulent tuer le mari, je trouve assez rigolo que finalement on passe beaucoup plus de temps avec eux, de façon sympathique, puis à la fin, non, ils meurent les deux. Mais c'est vrai que le thème de l'équité est un peu intéressant déjà, avec l'inégalité entre les deux amants au départ, et puis finalement la réaction disproportionnée qui est qu'on va tuer le mari. Aussi, oui, ce thème de la mémoire, le lait, c'est littéralement ce qui est fait pour qu'on garde le souvenir de quelque chose. Faut préciser aussi que là, on nous précise un lieu, on nous dit qu'il est le roi des Nantes. Alors, Nantes ou Nantes, on ne sait pas vraiment si c'est Nantes, Vannes, mon édition suggère que ça pourrait être des nains, mais ça me semble assez improbable, disons... C'est le roi de l'heure de nonce, et puis du coup, c'est un culte solaire. Non, mais disons, j'aurais de la peine d'y voir des nains, parce que pour que ce soit un peuple, il faut peut-être se attendre un peu plus longtemps avant que la mythologie norroise finisse par arriver dedans. Non, c'est ça, et puis roi des... Nantes. Roi d'un peuple, c'est pas pour si moi, longtemps. Le seigneur des Nantes, ça semblerait indiquer Nantes, en fait. Ouais. Donc ça pourrait être... Bah, c'est vrai qu'avec la connexion à la Bretagne, ce serait la connexion la plus évidente. En tout cas, de nouveau, un lien évident avec la Bretagne, parce qu'on nous dit dès le début, Moutou tete noble baron, s'il de Bretagne, li bretoun. Ils ont été vraiment des nobles barons, ceux de Bretagne, les Bretons. Donc, c'est toujours si on ne va pas nous parler de leur chapeau rond juste après. mais oui, le début du récit, c'est ça. Ils ont fait tellement d'aventures, de vaillance, de raffinement, qu'ils composaient des laits et qu'il faudrait être préservé. Et ce lait, on me l'a raconté, il mérite d'être retenu. Donc, il y a aussi cette. Disons, inquiétude par rapport à la transmission de ces récits qui seraient perdus autrement. Le suivant est assez intéressant aussi parce qu'il a des thèmes qui sont des thèmes folkloriques qu'on peut retrouver un peu ailleurs. C'est le lait du frêne, le frêne, donc l'arbre, qui fait 536 vers. Il y a une dame qui accouche de jumeaux et sa voisine Mehdi, elle commence à répandre des rumeurs parce qu'elle dit « On sait bien que si on a deux enfants, c'est qu'on a couché avec deux hommes, c'est comme ça que ça marche. » Et du coup, la rumeur nuit à sa réputation, son mari l'aime moins et se méfie d'elle. Cependant, elle est bien attrapée, de nouveau une espèce de cercle du karma, parce que quand elle accouche à son tour, elle accouche de jumelles. Elle se disant « Ah ben c'est bien », elle se lamente très moralement sur son sort, « Ah ben c'est bien vrai que quand on dit du mal des autres, ça nous retombe dessus. » Mais elle se sent tellement ridicule qu'elle se dit « Je peux pas assumer cette honte, cette humiliation, parce que j'ai moi-même contribué à l'entretenir. » Elle veut tuer l'enfant, mais il y a ces dames qui disent « Non mais vous pouvez pas faire ça. » Ces dames l'en empêchent et disent « Écoutez, vous savez pas comment on fait dans un lait breton, quand on veut se débarrasser de l'enfant, on va le mettre au loin, et puis voilà. » Elle l'emballe dans un drap de paillet, donc un drap riche, brodé de rosaces apparemment, et avec une bague, comme preuve de sa haute naissance, donc c'est le fameux « on met l'enfant au loin avec un signe pour que plus tard dans l'histoire on puisse le reconnaître », et on le laisse dans un arbre, dans un frêne, en fait, à proximité d'un couvent. Et du coup, l'abbesse la trouve là, la jeune fille. Elle l'élève comme sa nièce et on l'appelle Frêne parce qu'on l'a trouvée dans un frêne, dans un tel arbre. Elle est si belle et si courtoise qu'un seigneur nommé Goron, la courtise, est fait de grands dons au couvent pour s'attirer leur grâce. Genre, ils disent « Ah, il faisait des beaux dons au couvent, mais je peux vous assurer qu'il faisait pas ça pour le salut de son... » Enfin, dans sa stratégie de séduction. Il la convainc de venir vivre avec lui et leur histoire d'amour se poursuit dans son château en secret. Ces gens militent par contre, de nouveau, les proches, ses conseillers militent pour qu'il épouse une dame de haute naissance et ils rejettent Frêne. Et par ironie, il s'agit en fait de la sœur de Frêne qui s'appelle Coudrier. D'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'elle s'appelle Coudrier parce que Frêne s'appelle Frêne parce qu'on l'a trouvé dans un frêne, mais Coudrier, il n'y a pas de raison qu'elle ait le nom d'un arbre. Il n'y a pas de raison qu'elle s'appelle Coudrier. Et ça pointe peut-être vers le fait que l'histoire était un peu différente à la base, en fait, si les deux sœurs ont des noms arboricoles, des noms d'arbres. C'est vraiment juste pour faire la balance. C'est juste parce que c'est soit c'est pour faire la balance, soit c'est parce que l'histoire à la base était un peu différente dans le rapport à ces arbres. Elle fait cependant bonne figure, donc c'est un peu le thème de Griselidis, hein, la pauvrette qui est élevée au mariage. Enfin, on retrouve ce thème de Griselidis, elle est sortie de la pauvreté par son amant. Au point, son abnégation est telle qu'elle utilise même le drap quand elle prépare le lit destiné aux nouveaux époux. Genre, elle renonce totalement, elle accepte de préparer le lit aux nouveaux époux. Et elle met dessus l'étoffe précieuse dans laquelle elle avait été emballée quand elle était petite pour les honorer. Et puis sa mère reconnaît le tissu, lui demande si elle n'a pas un anneau ou quelque chose. Puis elle voit l'anneau, elle le reconnaît et puis elle lui explique toute l'histoire. Et du coup, le mariage est annulé, et comme Frêne est maintenant révélée être d'origine noble, elle peut épouser Goron, et on nous dit que sa sœur, Coudrier, trouvera un mariage dans sa région d'origine, et que tout est bien qui finit bien. Ça, c'était effectivement un des plus heureux hein, qu'on a vu jusque-là. Ouais. C'est pas non plus le plus sinistre, enfin, ça manque presque de tourner un peu... quelque chose d'assez noir finalement. Ouais. Bon, on a aussi ce thème de Griselidis qui a quand même eu beaucoup de transformations, mais qu'on trouve chez Boccaccio, chez Chaucer et bien sûr chez Perrault après, pour les contes. Mais donc ce thème de l'élévation sociale, si on veut, après l'abandon de naissance. Mais oui, c'est un de ceux qui est le plus heureux et qui se finit. Mais effectivement, je me demande un peu si c'est le fait que les deux sœurs aient des noms d'arbres, si ça cache pas une histoire un peu plus complexe derrière en fait. À l'origine peut-être. Le lait suivant est peut-être un peu plus intéressant parce que là, un peu plus, on est plus dans le merveilleux ou même le fantastique. C'est le Bisclavret, qui fait 318 vers, où on parle. C'est une histoire de loup-garou en fait. C'est un homme qui se transforme en loup. Il y a une femme qui se demande où son mari disparaît régulièrement parce qu'elle craint qu'il la trompe. Et il s'avère que c'est un loup-garou. Donc elle dit qu'en breton, c'est Bisclavret et que les Normands l'appellent Garoulf. Dans Arlais, je crois que c'est Garouaf. Ouais, ça c'est peut-être plus anglais donc, comme orthographe. Donc c'est... semblerait assez logique finalement, vu que le manuscrit d'Arlay semble avoir été écrit en Angleterre, en anglo-normand. Garulf, littéralement Gar, c'est l'homme, c'est devenu Were en anglais, c'est une transition phonétique assez courante, et Ulf, c'est le loup, c'est le, Ulf, Garulf, c'est le Wolf, c'est le Wolf en allemand, hein, le Wolf en anglais, et Ulf, donc, ce Garulf est devenu Garou. Et vu que garou, ça veut pas, pour les Français, ça voulait pas dire grand-chose, on a rajouté le loup pour rendre la chose évidente. C'est un loup-garou, du coup, c'est un loup-garou, c'est le loup, homme, loup. Il est mi-loup, homme, mi-homme, et puis mi-loup derrière. Voilà, exactement. Puis du coup, il lui avoue, ok, je suis un loup-garou, je me transforme en loup, puis elle lui demande s'il est nu pendant ses transformations, quand il chasse, parce qu'il dit qu'il chasse dans la forêt, il mange des proies. Et il lui avoue que oui. Elle lui demande, alors où est-ce que tu caches tes vêtements ? C'est une drôle de préoccupation, je veux dire, genre, est-ce que tu es nu ? Où est-ce que tu caches tes vêtements ? Enfin, bon. Et il lui dit qu'il ne peut pas lui dire, parce que si on lui vole ses vêtements pendant qu'il est transformé en loup, il ne pourra plus se changer en humain. Il y a l'idée qu'il doit récupérer ses vêtements pour retrouver ce statut d'humain civilisé. Et elle le pousse en lui disant qu'elle lui proclame son amour pour obtenir sa confidence, et elle obtient qu'il avoue, il les laisse dans une pierre creuse, sous un buisson, près d'une chapelle. Donc il lui dit où ils sont. Elle est effrayée par son mari, parce que c'est un loup-garou, quoi, donc ça se fait quand même peur. Et elle cherche à s'en séparer, puis complote pour qu'un chevalier lui vole ses vêtements. Et du coup, il reste coincé sous sa forme animale, et puis elle peut marier le chevalier qui avait volé les vêtements. Une équipée de chasse trouve le loup, mais ils se rendent compte qu'il est intelligent quand il commence à mendier leur pitié et qu'il leur baise les pieds. Donc il y a une scène assez marrante où ils se disent « Mais ce loup n'est pas méchant. » Et il devient leur meilleur pote. Donc ils l'acceptent comme leur animal domestique. Et à la cour, tout se passe bien, mais un jour, Bisclavret attaque le chevalier qui a épousé sa femme. parce qu'il le reconnaît. Donc, je ne sais pas exactement comment il le reconnaît, est-ce qu'il l'a vu voler ses vêtements, je n'ai pas exactement compris comment il le voyait, mais en tout cas, il l'attaque. Et les gens se disent, tiens, c'est bizarre, ce chien était pourtant toujours parfaitement docile, et là, il est énervé. Mais finalement... Je crois qu'il a repéré que c'était le mari de sa femme, en fait, finalement. Ouais, mais il voit... bah, au départ, il ne voit pas sa femme, donc c'est un peu... Ouais, c'est... Mais du coup, il l'attaque d'abord, puis personne ne comprend pourquoi, mais ça passe. Et puis, une autre fois, il voit sa femme, et là, il l'attaque et il lui mange le nez. Genre, il dévore le visage et le nez, donc assez violemment. Et là-dessus, les compagnons du seigneur qui l'a recueilli se disent que ce n'est pas normal, parce que ce loup n'a jamais rien fait de mal à personne. Donc, le fait qu'il ait attaqué ces deux individus, il doit y avoir une raison derrière, parce qu'il a l'air doué d'intelligence. Et un sage chevalier conseille donc la chose rationnelle à faire, qui est de torturer la femme qui vient de se faire dévorer le visage pour obtenir le fin mot de cette histoire, pour éclaircir cette animosité. Ce qu'il fait, elle avoue toute l'histoire, et on rend donc les vêtements... Au loup, mais il ne se transforme pas. Puis il y a une scène que j'adore, c'est qu'un chevalier dit, mais si il a besoin d'un peu d'intimité pour se retransformer en homme, donc on va juste le mettre dans votre chambre avec les vêtements pour voir si, et on va attendre un petit moment pour voir s'il se retransforme. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Le seigneur lui fait la fête et il peut être rétabli dans l'humanité. Quant à la femme, elle fut bannie, et il nous dit même qu'elle eut, malgré ça, une nombreuse descendance, mais qu'on peut les reconnaître au fait qu'ils n'avaient pas de nez non plus. Donc il y a une espèce de lysanchisme. le fait qu'elle a perdu son nez, donc tous ses descendants n'ont plus de nez non plus, c'était un trait héritable. Et donc voilà, c'est une histoire d'une femme qui est... Est-ce que c'est la femme mal mariée ? En tout cas, elle trahit son mari et elle le fait condamner à rester sous sa forme animale. Et lui, il finit par être rétabli dans ses droits, mais une histoire qui n'est pas forcément très, très, très joyeuse de ce côté-là. Il faut peut-être préciser qu'elle a été aussi adaptée en version arthurianisée sous le titre de Mélion. Donc c'est un de ses laits anonymes qui n'est pas attribué à Marie de France. C'est quasiment exactement la même histoire. Il y a un peu moins de digression sur le loup-garou, parce que là, il s'appelle juste Mélion et on parle juste d'une transformation en loup qui est liée avec un anneau. Et la principale différence étant que Mélion avait fait le vœu, qui est assez proche de celui de Guigmar, en fait, il n'avait fait le vœu de ne jamais prendre une épouse, de prêter attention à une femme qui aurait prêté attention à un autre homme ou qui lui aurait même adressé la parole. Puis il se retrouve avec une espèce de femme à moitié féerique qui arrive d'Irlande pour dire qu'elle a entendu parler de ses exploits et qu'elle n'a jamais adressé la parole à un autre homme juste pour pouvoir se marier avec lui. Et il lui révèle après le fait qu'il se change en loup et que. Et après, c'est la même histoire. Et il se retrouve en Irlande chez là où elle est revenue chez son père, en fait, où elle a épousé quelqu'un d'autre, après l'avoir vu en train de chasser le loup. Il y a toute une histoire où elle se dit « Ah, je vais mourir si je n'ai pas le cœur d'un cerf ou d'une bête qui passe par là. » Et lui, pour aller chercher la bête, bah, il se transforme en loup. Puis elle voit ça, puis elle dit « Je vais quand même me barrer avec les vêtements de nouveau. » Et là, c'est le roi Arthur, en fait, qui est son suzerain, quand il se rend en Irlande à la suite de sa femme. Et là, il devient le patron d'une bande de loups de nouveau. Et c'est assez étrange. Et ça finit avec en fait le roi Arthur qui le reconnaît au lieu du seigneur là qui le reconnaît. C'est le roi Arthur qui constate toute l'affaire. Et on voit Gauvin, on voit Yvain. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être que la version anonyme, donc celui de Mélion, lui, est très très liée au brut parce qu'on précise bien que le roi Arthur se rend en Irlande pour aller y quémander l'aide du roi d'Irlande dans sa grande expédition qu'il prépare contre Rome. Donc, la fameuse tradition des chroniques que vous avez vue dans les épisodes 3 et 4. Exactement, donc il y a ce lien très fort qu'on ne voit pas forcément toujours nettement dans les romans d'habitude. Mais donc oui, c'est une histoire de loup-garou assez, assez intéressante. On parle souvent de contes mélusiniens, parce que c'est le mariage de quelqu'un à un être féerique, monstrueux ou merveilleux, mais qui va ressurgir sous une forme où les genres sont inversés quelque part. D'ailleurs, la prochaine histoire, c'est l'histoire d'un homme qui, cette fois-ci, a une amante merveilleuse. C'est l'histoire de Landval, qui est le seul lait qui est proprement arthurien, explicitement arthurien, même si certains de ces laits pourraient se passer, comme on vient de le voir avec le cas de Mélion, certains de ces laits pourraient se passer dans un cadre arthurien, il n'y aurait pas grand-chose à changer, mais c'est jamais explicite, sauf pour Landval. Landval est donc un chevalier qui est généreux, mais... un peu désargenté, parce que justement, il dilapide un peu son avoir, jusqu'à ce qu'il commence une relation avec une fée magnifique qui lui fournissait de l'argent et qui lui permet de poursuivre ses largesses, de distribuer des dons, de payer les rançons des prisonniers, d'habiller les jongleurs, etc. Donc vraiment, c'est le noble qui se dépense en largesses. Mais après... la fête de la Saint-Jean, Guenièvre lui fait des avances, elle essaie de le séduire, qu'il rejette invoquant la loyauté qu'il doit au roi Arthur. On peut vous passer un, Petit extrait du Landval lu par Judy Schauf, qu'on va vous traduire juste après pour que vous voyez un peu ce que ça donne en français médiéval. Dame, fait-il, et c'est mystère. Je n'ai cure de vous amer. Longement desservi le roi, ne lui voile pas mentir ma foi. Je pour vous, ce pour votre amour, ne me serai à mon seigneur. La reine son cœur ça, et refus, si m'espère là. L'enval fait-elle, bien le cuit, vous n'amètes guère ce délit. À sept le matin, dites souvent que des femmes n'avaient talent. Palettes avaient bien en fait ensemble des vous détruyettes. Villains quartz m'avaient fallit, mettez messieurs m'abalit, que presse de lui vous a souffert, en essayant que des en perte. Quand il louait, fut de lente, de le répondre ne fut pas lente. Des choses disent par mal talent dont il se repentit souvent. Dame, disent-ils, de celle mestière ne me séjourne ni en tédière. Mais je aime, et si suis amis, celle que doit avoir le prix sur toutes celles que je sais. Et une chose vous dirai, bien le sachet de cette découverte. Une de celles qui la certes, tu de la plus pauvre machine, porte muse de vous, dame reine, de corse, de vice et de beauté, d'enseignement et de bonté. Si on traduit, ça donne « Landval, dit-elle, je crois bien que vous ne goûtez pas ce genre de plaisir. On m'a dit bien souvent que vous ne vous intéressiez pas aux femmes, vous préférez prendre votre plaisir avec de beaux jeunes gens. » Donc avec... des valaises avaient bien affaîtié. Misérable lâche, chevalier indigne, mon époux a bien tort de vous souffrir auprès de lui, je crois qu'il en perd son salut. Donc, il en perd Dieu littéralement, mais son salut. Donc, Guenièvre accuse littéralement Landval, bon, d'être. Probablement d'être homosexuel, mais en tout cas de préférer la compagnie des hommes. Ouais, parler d'homosexualité est un peu difficile dans un contexte voilà, médiéval où la compréhension des orientations sexuelles n'est pas nécessairement la même que la nôtre, mais c'est clairement l'accusation qui est faite, c'est d'être, de suivre des relations avec des hommes plutôt qu'avec des femmes. Qu'elles soient sexuelles ou non, mais en tout cas, voilà. Et du coup, c'est une insulte qui est quand même assez forte. Pour du plaisir. Hein. Et disons. Si on le prend comme une insulte, on comprend que la réaction de Landval soit assez vive, parce qu'il répond qu'il est déjà dévoué à une dame si splendide que la plus basse de ses servantes est plus belle que Guenièvre, ce qui déclenche sa fureur. Alors, c'est clair que là, Landval rompt un des commandements de sa relation avec cette fée, mais aussi de l'amour courtois en général, c'est que l'amour courtois, il est censé être secret, ou en tout cas discret, on n'est pas censé s'en vanter, il n'est pas censé être public. Et là, Landval se vante en fait de la beauté de sa maîtresse et de ses servantes. C'est en fait une rupture de cette étiquette-là. Et suivant le thème de la femme de Potiphar, qui est donc un thème biblique qui se passe dans la Genèse, où il y a Joseph qui est la femme de Potiphar, qui est le maître de Joseph à un moment, le chambellan du pharaon. Ouais, c'est l'intendant du pharaon, ouais. Qui, sa femme fait des avances à Joseph, il les rejette, mais la femme, après, va vers tous les autres serviteurs et vers son mari et dit « Voilà, cet esclave hébreu m'a fait des avances. » Donc c'est le thème de la femme qui essaye de faire des avances à quelqu'un, mais quand ça marche pas, elle prétend que c'est dans l'autre sens. Vous pouvez aller voir la leçon de Thomas Römer au Collège de France qui vous parlera de cet épisode un peu en détail. Très intéressant. Podcast, écoutez les podcasts du Collège de France, ça en vaut toujours la peine. Et donc, un thème assez vieux, mais donc elle va se plaindre auprès d'Arthur affirmant que c'est Landval qui lui a fait des avances et ensuite elle lui répète l'insulte qu'il a fait, en fait, que sa dame aurait une servante plus belle que la plus basse servante de sa dame serait plus belle que Guenièvre. Un procès a lieu, c'est généralement assez un des éléments qui intéresse beaucoup les médiévistes pour cela, c'est justement la représentation de la justice, comment est-ce que la cour organise ce procès. Il y a des revendications très précises, en fait, il y a des questions particulières sur lesquelles la revendication, il y a d'une partie le fait qu'il ait dit qu'il y avait femme plus belle que Guenièvre, ce qui est une partie du procès, mais qui est un genre d'insulte, mais qui n'est pas exactement la même chose que le fait de l'accusation d'avoir couché avec elle. Donc il y a tout un dialogue juridique assez précis, en fait, qui est intéressant. De ce point de vue-là. Et Landval, en fait, dans ce procès, il est un peu il reste de marbre parce qu'il dit de toute façon, comme j'ai pas su garder le secret de ma relation avec cette dame, ça a pas la moindre importance parce qu'elle voudra plus de moi. Mais soudain arrivent des suivantes, des demoiselles magnifiques qui sont des suivantes de la fée, qui sont effectivement plus belles que Guenière. Donc chaque fois, c'est elles sont tellement magnifiques, ça doit être elle, la dame que Lanval aime. Et en fait chaque fois, c'est plus. Ça ressemble un peu d'ailleurs au motif qu'on a dans certains épisodes de Tristan et Iseult, où quelqu'un qui ne connaît pas Iseult voit des dames de plus en plus belles, et chaque fois, il assume que c'est Iseult, pardon, jusqu'à ce que Iseult arrive effectivement. Donc c'est quelque chose d'assez formulaïque, mais qui marche bien ici. Il y a vraiment l'effet très comique de répétition. Chaque fois que quelqu'un arrive, on pense qu'elle est plus belle. Mais chaque fois, c'est une nouvelle servante. C'est une nouvelle servante qui dit « Ma maîtresse va arriver, il faudrait lui faire de la place, des appartements. » Son amie vient finalement, et l'innocente en affirmant que le tort est du côté de la reine, et que sa présence devrait permettre au baron de délibérer si Lanval a vraiment exagéré. Les barons jugent qu'en effet, la beauté de la fée et ses suivantes n'a pas été exagérée par Lanval, qu'il avait raison. Sa copine... J'ai une copine, et puis... J'ai une copine en Scandinavie, je vous dis, hein, elle est plus belle que vous. Il y a un côté très wish fulfillment, où on a vraiment cette espèce de fantasme de la copine secrète dans le Lanval, où il y a ma copine qui va venir, et puis elle va tous vous moucher, et puis vous montrer qu'en fait, elle est plus belle. Et d'ailleurs, la fin est très, très bisque-bisque-rage, parce que, alors qu'elle est en train de s'en aller... Lanval saute depuis le perron de la salle en croupe de son cheval, donc derrière elle sur son cheval. Elle l'emmène en Avalon, cette île merveilleuse. Et Marie conclut que plus personne n'a jamais entendu parler de Lanval après qu'il ait été emmené par la fée. Donc vous avez vraiment le côté j'ai prouvé que ma copine était plus belle que tout le monde, et maintenant, bye les rageux. Je me barre. Et donc voilà, ça c'est le lait de Lanval qui a eu un petit succès, on en parlera peut-être ultérieurement, dans des laits moyen-anglais, dont un qui est assez intéressant parce que Guenièvre dit une dame plus belle que moi, je veux bien me crever les yeux si ça arrive, et puis quand la dame arrive, elle lui souffle sur les yeux, et ça la rend aveugle en fait. Donc il y a des versions... Guenièvre est vraiment pas un personnage positif dans cette tradition de Lanval en fait. C'est assez intéressant, hein. C'est pas quelque chose qu'on trouve beaucoup ailleurs pourtant, mais il y a vraiment déjà l'aspect de Guenièvre séductrice, qui a peut-être été justement influencé ou aidé à influencer en tout cas les romances de Lancelot, et qui après a été soutenu, après en tout cas l'arrivée de Lancelot sur la scène, ça a pu permettre en fait en tout cas de renforcer cet aspect justement de la reine séductrice en fait. C'était... Mmh. En moyen anglais, il y a eu en tout cas une romance qui s'appelle Sir Landeval, et il y a Thomas Chester qui a effectivement écrit 2-3 textes arthuriens qu'on lui attribue, et en général lui il a écrit un Sir Landeval justement. Plus tardivement, on est vraiment à la fin du XIVe siècle là. Mais effectivement, c'est peut-être parce qu'il est arthurien, c'est un des laits qui a le plus survécu. Il est le plus facile à. Même s'il a cette particularité un peu étrange avec Guenièvre, qui est un peu différente de sa caractérisation habituelle, il a eu un assez grand succès en fait, comparé en tout cas aux autres. Il a un thème qui est assez. Qui va parfois être intégré, cette espèce d'idée du concours de beauté. C'est quelque chose qu'on va retrouver typiquement dans le Lancelot en prose. On a la dame Hélène sans père. Il y a une querelle qui l'oppose à son mari parce que son mari prétend qu'il est plus preux qu'elle n'est belle, mais elle prétend qu'elle est plus belle que son mari n'est preux. Puis donc il y a Lancelot qui vient, ou en tout cas un chevalier qui vient régler leurs différends pour voir si pour, qui dit en fait non là, elle est plus belle que tu n'es preux. Puis oui, donc le Thomas Chester, son Sir Lanval, il est aussi inspiré du lait de Greyhunt. Et probablement, on pense, d'une version intermédiaire de Lanval qui a dû exister. Enfin, on peut essayer de reconstituer un peu la généalogie comme ça. Vient ensuite un lait assez court, il parle toujours d'amour, mais cette fois-ci plus tragique et moins satisfaisant, les deux amants. C'est l'explication du nom d'un mont vers la ville de Pitre, une commune de l'Eure, où se trouve un prieuré des deux amants, mais qui probablement que c'était pas cette histoire à la base, mais c'est une histoire qui est inventée pour expliquer cette histoire. Il y a un peu le thème de Peau d'âne, c'est-à-dire d'un père qui ne veut pas laisser marier sa fille, parce qu'il est surprotecteur, il veut pas la laisser se marier. Et donc, il impose une épreuve, c'est-à-dire que seul celui qui arrive à la porter au sommet de la montagne en la tenant dans ses bras pourra l'épouser. Mais tous échouent, donc à mi-parcours, ils s'effondrent. Un jour, un jeune tombe amoureux de la fille, puis elle tombe amoureuse de lui. Elle lui conseille de tenter l'épreuve pour qu'il puisse s'unir à elle légitimement. Après avoir pris un filtre revigorant à Salerne, donc il y a toute une discussion sur Salerne qui apparemment était connue pour sa médecine en tout cas, qui lui rendra toujours sa force, donc c'est-à-dire s'il se sent faiblir, il devra le boire. Mais pendant la montée, alors qu'elle lui conseille de le boire, il a trop confiance en lui pour s'arrêter, il dit non, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin du filtre. Mais quand il arrive en haut, il meurt sur le coup à cause de l'effort, et elle meurt de chagrin en lui tombant par-dessus. Et ça donnera son nom au mont des deux amants. Donc ça, c'est un lait qui est beaucoup plus court, puis qui est beaucoup plus... C'est dur de voir la morale, peut-être. N'ayez pas trop confiance en vous. C'est clair. Être trop confiant en soi, c'est un truc assez basique à apprendre aux gens, aux jeunes en tout cas, de ne pas être trop arrogant, de ne pas de demander de l'aide quand vous en avez besoin et de pas essayer simplement de passer ça. Puis aussi ce côté effectivement de légende sur le nom de nomastique un peu qu'on retrouve. Ça, on retrouve par contre ça dans les traditions celtes et galloises, effectivement. Ça, c'est quelque chose d'assez courant. Ouais, c'est aussi voilà, l'amour, ça vous donne des ailes, mais peut-être qu'il faut raison de garder. Le lait suivant, le lait d'Ionec, qui, comme on l'a dit, c'est un nom quand même c'est rattaché à la Bretagne, on va dire. Mais assez clairement, hein. Qui, cette fois-ci, c'est de nouveau une dame mal mariée, donc une belle jeune femme qui est donnée en mariage à un vieux, qui est puissant et jaloux. Et pour mieux la surveiller, il l'enferme à nouveau dans une tour avec sa sœur, qui est âgée et veuve, donc la sœur vieille du mec vieux, pour lui tenir compagnie. Et tandis que la belle se plaint, elle se lamente, elle aimerait bien avoir un amant, elle chante sa chanson Disney à la fenêtre pour que quelqu'un vienne la voir, il y a un autour, donc un oiseau, qui entre en volant par la fenêtre de sa chambre et il se transforme en beau chevalier qui s'adresse courtoisement à elle, lui affirmant qu'il est venu à elle par amour. Et elle consent dès lors à il doit quand même lui prouver qu'il n'est pas démoniaque, en fait. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'il doit lui prouver qu'il est un bon chrétien, donc il lui récite un peu son credo. Et elle, en fait, il lui dit, je vais prendre votre app, vous allez faire semblant d'être malade, on va vous amener on va vous amener la communion comme vous êtes en train de mourir, et puis en fait, moi, je vais prendre votre apparence, puis on me donnera la communion, puis comme je la prendrai, vous verrez que je suis un bon chrétien. Donc ils font cette espèce de trafic où il prend son apparence et il se met dans le lit pour parce qu'il est polymorphe, pour recevoir la communion, et ça prouve que il n'est pas démoniaque. En prenant congé d'elle, alors qu'il démarre leur relation, le chevalier demande à la jeune femme de prendre garde à la vieille, parce qu'elle risque de les trahir, bien sûr. Et les vieilles, hein. Voilà. Toujours. Et les deux amants se fréquentent donc pendant quelques temps, mais la jeune femme est trop de bonne humeur, alors la vieille commence à avoir des soupçons, elle ordonne, la vieille les surveille, elle le voit, et donc ils font placer un piège de pointe de fer à la fenêtre, et donc quand il arrive sous forme d'oiseau, il se blesse dessus. Il s'appelle en fait Muldumarek, donc Muldumarek se blesse dessus, et alors qu'il sent qu'il meurt, il annonce à la belle qu'elle porte un enfant de lui, il dit qu'elle devra le nommer Ionec, et que ce Ionec les vengera tous deux plus tard. Il disparaît par la fenêtre, et la jeune femme part à sa recherche, donc là c'est assez intéressant parce qu'elle saute par la fenêtre, elle arrive en bas et ça lui fait rien, et elle suit les traces de sang dans la campagne, puis elle parcourt en fait une assez longue distance. Elle arrive, elle suit la trace de sang, elle arrive à une colline, il y a une ouverture dans la colline, elle passe dans la colline, donc peut-être là on pourrait avoir un parallèle avec du folklore gallois ou irlandais. Oui, un passage dans l'autre monde. Il semblerait que l'amant de l'autre monde, ça c'est assez clair. Hein. Ouais. Un amant de l'autre monde, puis le fait d'entrer dans une colline qui est censée être le repère de l'autre monde. Elle arrive dans une magnifique cité où personne ne lui parle, donc à ce côté un peu très ultramondain justement, elle continue à suivre les traces de sang, elle arrive dans un château. Et dans une première pièce, elle doit passer trois pièces jusqu'à ce qu'elle arrive où celle où il y a son amant finalement, qui est dans un lit ensanglanté en train de mourir. Celui-ci est vraiment en train de mourir, il l'a pris de quitter le palais et de retourner chez elle. Il lui confie un anneau qui fait que son mari oubliera toute cette histoire. Donc son mari va oublier qu'elle avait eu un amant oiseau et tout ça. Et elle pourra vivre en paix, élever leur enfant en paix, il ne saura pas que c'est un enfant illégitime. Et il lui donne aussi son épée qu'elle devra donner à leur fils quand il sera en âge de la porter. Puis il lui donne aussi une tunique pour qu'elle puisse revenir chez elle sans avoir attiré l'attention. Il y a quelque chose comme quoi ça lui permettra de tenir son rang. Et les notes de l'édition de Champions pensent que ça peut être une manifestation de la triade dumézilienne, classique. Une tunique, un anneau et puis une épée. Ouh, c'est vrai. Alors certains pensent que c'est aussi une question de maîtrise du temps, en fait. L'anneau permet de maîtriser le passé, disons, en faisant oublier ce qui a été passé. La tunique permet, dans le présent, de maintenir, de rester en vie, en quelque sorte, dans le présent, et l'épée sera l'instrument du futur. Ouais, ça me semble un peu tiré par les cheveux, je trouve, mais... Fin... Non, objectivement, c'est vrai, sauf que est-ce que c'est vraiment... Voilà, est-ce que c'est vraiment l'effet qui est cherché, quoi, ouais. C'est ça. Elle finit par rentrer dans son pays, alors que, elle pourrait partir, personne ne lui reproche rien, et elle a en effet un fils qu'elle appelle Ionec. Un jour, il atteint l'âge où il est armé chevalier, et le vieux seigneur, sa femme et son fils sont invités à une fête dans le coin, et ils arrivent au bâtiment de l'abbaye, et on leur fait visiter, on leur montre un tombeau richement orné, et on le réveille qu'il s'agit de la dépouille d'un chevalier pris dans un piège, qui est bien sûr Muldumarek, et qui est mort pour l'amour d'une dame. La dame révèle à Ionec que c'est son père, que c'est lui qui l'a engendré en fait, elle lui donne l'épée, et elle meurt, elle tombe morte. Ensuite, elle expire sur la tombe de Muldumarek, et à cette vue, le fils tranche le cou de son beau-père, enfin le vieux, Et accomplissant ainsi la vengeance, la dame est ensevelie dans le même tombeau que Muldumarek et Yonek devient le seigneur du pays. Cette histoire, elle est particulièrement intéressante pour nous parce qu'en fait, quand on vous a parlé du proto-Perceval dans l'épisode sur Perceval, on reconnaît quand même quelque chose. Hein, le fait d'avoir une épée qui vous est léguée, l'espèce de vengeance familiale, il y a quelques signes, il y a quelques motifs. On voit peut-être un parallèle avec Perceval qui, en tout cas, reçoit une épée. Hein. Il y a aussi cet aspect intéressant, c'est que pour le coup, l'amant de l'autre monde est un homme, en fait. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on trouve un peu... Il y a un lait en moyen anglais qui s'appelle Sir Orfeo. Oui. Où il y a, bon là c'est un kidnapping, mais un seigneur de l'autre monde kidnappe la Eurydice, donc c'est une adaptation de d'Orphée et d'Eurydice, mais un peu modifiée. Et donc là il y a un kidnapping dans l'autre monde, une cité fantastique, ça c'est un élément assez récurrent quoi, plus tard. Oui, j'aurais aussi oublié de dire, mais quand elle quitte la ville, elle entend derrière elle les cloches qui annoncent que le mari est mort en fait. Ça m'a fait penser au Perles Vos, ça, moi, le départ de Lancelot après avoir décapité l'homme qui doit être décapité. Le côté très dramatique où on quitte la ville et puis on entend les cloches derrière, puis on se dit oups. Ouais. Moi, ça m'a aussi fait penser, bêtement, c'est un motif qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans. C'est un motif assez courant dans Game of Thrones en fait, quand il y a la mort de. Ned Stark. Non, le père Lannister, mais... Tywin Lannister, oui. Quand il meurt, c'est un motif qu'on retrouve encore jusqu'à aujourd'hui, cette mise en scène du drame. Le suivant est peut-être un des plus connus, parce qu'il est le plus court, enfin c'est celui que je connaissais le mieux avant de relire ces textes de Marie de France, c'est le Laustic ou Laustic, ce qui veut dire le rossignol en breton, qui est un vers à 160 vers, donc c'est assez court, hein, ça, on est dans des textes un peu plus courts là, qui est un récit... disons d'oiseleur presque. Oui, il y a dans la région de Saint-Malo, donc là on est bien dans le. On est bien en Bretagne là. On est bien en Bretagne bretonnante. Il y a une femme qui est mariée puis qui tombe amoureuse de son voisin et ils s'aiment en secret et ils passent des heures chacun à sa fenêtre en se regardant. Donc ça reste quand même très chaste. Hein. Ils n'ont pas l'air d'avoir une relation suivie, c'est juste qu'ils s'aiment en se regardant à plusieurs visuels. Et la femme se relève toutes les nuits pour voir son amant, s'agace son mari qui lui demande ce qu'elle fait puis dit ah, mais je vais écouter le rossignol à la fenêtre. Et ensuite, le mari qui se dit qu'on se paye sa tête, il trouve un rossignol, il le tue, puis il donne le cadavre du rossignol, il dit « Ah, j'ai tué ce rossignol qui vous empêchait de dormir, maintenant vous devez dormir mieux », donc le mari est quand même assez flippant. Quand elle voit ça, elle prend le rossignol, elle l'emballe dans un tissu qu'elle coud avec un message, elle l'envoie à son amant, pour qu'il se rende compte que leur histoire d'amour est en fait condamnée. L'amant reçoit ça, et puis il fait... comme toujours, composer un lait pour garder le souvenir. Il le met dans une petite chasse. C'est intéressant parce que là, comme dans d'autres, on nous dit le nom du rossignol, on nous dit que c'est le Laustic en gallois, donc Laustic est en fait devenu le Laustic. Et on nous dit que ça veut dire rossignol en français et Nichtigalle en anglais. Nightingale. Voilà, on a donc la traduction dans toutes les langues parlées en Grande-Bretagne. C'est intéressant, on a d'autres moments où on nous donne les noms en anglais aussi, donc dans le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, ce sera dans quelques vers, mais on a d'abord le suivant qui est Milon, qui est un autre vers, un autre de ces un peu plus longs, hein, 500 vers de nouveau. Oui, bon, je vais aller assez vite. C'est que Milon est un chevalier du Pays de Galles, donc cette fois-ci, il est situé en Bretagne... insulaire, pardon. Insulaire, pas continentale, justement. Son amie tombe enceinte de son fils alors qu'ils étaient un peu hors mariage, ils ont honte, et pour cacher cette humiliation, elle confie l'enfant à sa sœur, qui l'élève, elle fait chevalier. On lui a donné un signe qui permettra de le reconnaître quand il sera grand, comme d'habitude, donc c'est un peu comme le... Un signe littéral, hein, pas un signe de piste, il me semble que c'est bien un signe ou un oiseau, j'entends. Il y a un signe qui a un rôle, mais on lui donne, je crois, un anneau. Et... Ah oui, c'est un... Non, alors, mais dans ce cas... le signe joue un rôle juste ensuite, c'est que Milon repart en quête d'aventure, et pendant son absence, le père de son ami, la Marie, elle a fait surveiller, et à son retour, Milon communique avec elle par l'intermédiaire de lettres cachées dans le plumage d'un signe. C'était bien un signe, l'oiseau. Il l'affame, et à chaque fois qu'il l'affame, il retourne à l'autre destination. Puis du coup, ils peuvent communiquer comme ça pendant des années. Par signe voyageur. Mais un jour, dans un tournoi, Milon est vaincu par son fils. Et en fait, il se dit, waouh, j'ai rarement été battu. Puis bien sûr, ben, c'est parce que c'est son fils. Ils se reconnaissent et ils partent pour renverser le mari de l'ami de Milon. Parce qu'ils disent, ah, ta mère a été mariée à un type, on ne sait pas qui c'est, mais on n'est pas de son côté, on va dire. Mais en chemin, ils apprennent qu'il est mort. Et du coup, ben, tout est bien, qui finit bien. Et puis, il peut épouser son ami et Milon avoir son fils avec son fils à ses côtés. Donc ça c'est aussi un des rares... lait qui se finissait très très bien, très positif finalement. Le suivant a un petit débat sur le titre en fait. Il s'appelle le Shaitivel, ce qui veut dire le malheureux, mais Marie discute que peut-être il faudrait lui donner un autre nom. C'est qu'une dame de Nantes est courtisée par quatre barons et tombe amoureuse des quatre. Et un jour, en tournoi, trois de ces quatre barons sont tués et le dernier blessé. Le blessé est bien soigné et quand on fait le lait pour commémorer ça, il demande à ce que le lait soit appelé le chétivel, donc le pauvre malheureux, parce qu'il est le seul à devoir encore souffrir. Tandis que... Bah oui, parce que lui, en fait, il doit souffrir parce qu'il est blessé. Il peut pas être, il peut pas avoir de relation physique avec sa dame, mais il peut échanger avec elle. Ils peuvent échanger des paroles, mais ils peuvent rien échanger d'autre. Oui. Et du coup, lui, il se sent terriblement infortuné et malheureux, mais elle dit non, c'est quand même moi qui ai dû subir la perte de quatre amants potentiels. Donc, elle dit qu'elle devrait l'appeler les quatre deuils. Mais... Ça, c'est aussi intéressant. C'est vraiment assez un truc très court, mais très presque zen en fait. C'est une espèce de petit conte zen où il se passe pas grand chose et à la fin, la situation n'est pas vraiment résolue, un peu comme dans le Lostick. C'est caractéristique un peu de ces histoires de pas vraiment avoir d'intrigue particulièrement à résoudre, mais d'avoir juste une situation qui est malheureuse en fait. C'est assez pas forcément contemplatif, mais il y a quand même il y a quand même un côté un peu effectivement dans le vague en fait. Surtout qu'il y a très peu de tension en fait. La dame accepte finalement que on le nomme le malheureux, mais Marie conclut que certains de ceux qu'il récite l'appellent quand même les quatre deuils, mais son habituel est le malheureux et elle dit qu'elle n'en sait pas plus. Le suivant est de nouveau techniquement arthurien, le chèvrefeuille. Donc on l'a dit la dernière fois, ça renvoie à l'histoire de Tristan et Iseult. Tristan, après avoir été chassé par son oncle de Cornouailles, apprend qu'Iseult sera présente à Tintagel à la Pentecôte. Il se rend donc dans la forêt. Et sur le chemin que la reine, il pense qu'elle devra passer par là, il taille un bâton avec des signes reconnaissables. Il grave son nom sur un bâton en fait de coudrier. Iseult l'aperçoit. Ce bâton signifie que Tristan et Iseult sont un peu comme le chèvrefeuille. En fait, c'est ça, c'est la métaphore centrale du texte. C'est que ils sont comme le chèvrefeuille qui roule autour du coudrier, qui serait en symbiose avec la plante sur laquelle elles sont. Bon, c'est pas forcément comme ça que ça marche, mais il y a cette idée-là. Il y a aussi le fait que c'est le motif de leur tombe à la fin, en fait. Mm-hmm. Les deux plantes qui s'entremêlent. Et c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de notions sur les maîtrises des mots, la gravure. On sait pas très bien ce que cette gravure représente. Et ils finissent par parler hein, dans ce texte. Ils interagissent quand même un petit peu. Mm-hmm. C'est pas seulement par bois interposé. Tristan, il discute un peu du bannissement de Tristan qui rend Iseult malheureuse, hein, ça va pas très long. Et plus tard, au Pays de Galles, dont apparemment Tristan viendrait du Pays de Galles, hein, donc comme il est là et qu'il attend son retour en Cornouailles, il compose un lait en attendant son retour là-bas. Et on nous dit justement que assez brièvement, le numéret se compte. Gotelef l'appelle est anglaise, chèvrefeuille le nomme française. Donc il y a vraiment cette notion aussi linguistique là-dedans, le goat leaf, le goat leaf, la chèvrefeuille, littéralement. Et puis le chèvrefeuille français. Ce qui indique aussi qu'il circule en anglais, suivant donc Marie de France, de nouveau, hein, il y a cette notion un peu qu'elle intervient dans un milieu plurilingue. Mais il est très référentiel parce que finalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est basiquement, il y a Tristan qui plante un bâton, Iseult le voit, il papote un peu de ce qui s'est passé avant et qui ne développe pas vraiment. Donc, il faut que vous connaissiez l'histoire pour profiter de cette histoire. On peut préciser qu'il parle de la fidèle Brangiense. Donc, ça renverrait peut-être plutôt à la version commune que la version courtoise qui est plus... où Brangien est un peu plus, disons, ambigu. Non, ils font référence justement. Ils font en fait référence à l'histoire de Tristan et Iseult, mais c'est plus une c'est très référentiel en fait. On vous raconte. Vous pouvez pas connaître l'histoire de Tristan et Iseult uniquement. C'est pas aussi développé par exemple que dans les Folies Tristan où on a vraiment cette espèce de raccourci, mais de raconter l'histoire quand même quasiment depuis le début pour rattraper. Là, c'est vraiment très très référentiel. Il n'y a pas la place en fait pour le faire dans le cours. Le bref extrait. C'est intéressant que ce soit un lait peut-être aussi populaire parce qu'il a Tristan et Iseult, mais il est finalement très très court en lui-même dans l'optique globale en fait des laits de Marie de France. Il occupe une place minuscule. Mais il a quand même cette image qui reste assez emblématique de quand Tristan écrit Bel ami, ainsi en va-t-il de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Donc qu'ils sont interdépendants comme le coudrier et le chèvrefeuille qui du coup qui donne son titre à l'histoire ici et qui est en fait le motif qu'on se rappelle des après pour les tombes des deux amants qui sont liées par des plantes. Donc ça c'était pour le 11e des laits de Marie de France, ce qui nous amène au dernier qui est aussi une histoire d'amour mais peut-être un peu moins disons qui implique un peu plus de gens, c'est le lait d'Eliduc. Ça commence d'ailleurs par nous dire en fait que Marie de France nous dit explicitement qu'il faudrait pas l'appeler le lait d'Eliduc, mais qu'il faudrait en fait l'appeler des deux femmes d'Eliduc qui sont Guilde de Luec et Guilliadon, qui elle dit que c'était d'abord un lait nommé Eliduc, mais qu'après on l'a appelé ainsi parce que ces deux femmes sont en fait les deux héroïnes du lait. Et effectivement, dans cette histoire-là, c'est un peu Eliduc qui a le mauvais rôle. C'est en fait l'histoire d'un chevalier de Petite-Bretagne, de Bretagne, qui s'en va par loyauté dans le royaume de l'Ogre pour combattre pour un seigneur local, et qui tombe amoureux d'une fille du seigneur local qui s'appelle Gwyliadon, qui lui fait des avances, qui lui donne une ceinture et un anneau qu'il accepte, malgré le fait qu'il soit déjà marié à Guildeluec, qu'il a laissé en Petite-Bretagne. Donc c'est en fait l'histoire d'un mari infidèle qui... On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est son plan, en fait, parce qu'il essaye, du coup... Ça semble être quelque chose d'assez involontaire, en fait. Il tombe vraiment amoureux, puis il le dit, hein, c'est vraiment pas involontaire, il peut pas céder, quoi. Il y a cette notion un peu... Il est impuissant à résister à la tentation. Il y a aussi... elle lui donne des cadeaux, qui sont son anneau et sa ceinture, et en fait, il les met immédiatement, sans vraiment réfléchir. On a l'impression qu'il pense pas vraiment beaucoup plus loin que ce bout de son nez. C'est possible aussi qu'il aime pas tant sa femme que ça. Gwyliadec n'est pas, il y a pas un amour brûlant qui est décrit entre deux. Il est pas vraiment déchiré entre les deux, c'est ça le truc. Il est pas amoureux de sa femme. Il a une loyauté envers elle, et c'est ça qui cause son désespoir. Mais pas vraiment le fait d'avoir deux amours, en fait. Mmh. Contrairement, par exemple, à la dame des quatre deuils, qui les aime les quatre et qui peut pas décider, du coup. Bah, il essaie quand même de se cacher un minimum pour faire ça discrètement, pour amener, en fait, Gwyliadon en Petite-Bretagne avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose de pas si courant que ça, en fait. Dans les lettres de France, en tout cas, c'est surtout les femmes qui vont avoir plusieurs amants, alors que là, c'est vraiment un homme et c'est presque plus sérieux, en fait, finalement, comme problème. Alors que ça aurait probablement été plus courant, ça aurait sans doute... C'est comme ça existe ailleurs dans la littérature arthurienne, mais là, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, quoi. Et il y a finalement une légitimité, au final, parce qu'il va essayer de revenir avec Gwyliadon, et puis il a sans doute un plan de finir avec elle. D'abord, il y a un aller-retour. D'abord, il rentre chez lui, et sa femme, c'est là qu'il y a un peu l'ironie, sa femme lui dit... il cache ses sentiments à sa femme affligée, puis elle comprend pas pourquoi il est de mauvaise humeur. Et elle dit « Oh, mais si vous avez entendu quelqu'un m'accuser d'avoir commis une faute pendant que vous étiez à l'étranger, donc sa femme a peur qu'il croie qu'elle l'a trompé, alors que c'est ça décrit bien des dynamiques qui devaient être... En fait, c'est peut-être finalement le plus réaliste, entre guillemets, des deux laits, parce qu'il devait y avoir sans doute une dynamique, effectivement, de crainte de la part des femmes d'être accusées de tromperie. Surtout quand on voit à quelle fréquence ça arrive dans les laits. Si la réalité ne rattrape peut-être pas la fiction, mais les gens pouvaient le penser, en tout cas. Et ensuite, il repart après être... Enfin, il était rentré en Petite-Bretagne pour aider son seigneur dans une guerre donnée, mais une fois que c'est réglé, il dit qu'il repart au pays de l'Ogre avec quelques écuyers à qui il leur fait prêter serment de garder le secret. Il se cache pour pas qu'on le voie trop. Il loge loin des ports pour éviter d'être vu et reconnu. Et en fait, il fait ramener Gwyliadon en Petite-Bretagne, en bateau, le vent est favorable et tout, mais en fait, apparemment, il n'a pas été assez prudent, parce que sur le navire, quand ils sont pris dans une tempête, il y a un marin qui lui dit « Mais que faisons-nous, Seigneur ? Vous avez ici près de vous celle qui cause notre perte. Jamais nous ne toucherons terre. Vous avez une loyale épouse et vous voulez en amener une autre, contre Dieu et contre la religion, contre le droit et contre la foi jurée. Laissez-nous la jeter à la mer et alors nous pourrons aborder. » Donc là, on a quand même le thème, justement, du bateau qui est en péril à cause d'un des passagers ou de quelque chose qu'on a embarqué, ce qui en fait, ça renvoie même à un contenu biblique de Jonas avec la baleine, où les gens disent « il y a une tempête, on va le balancer pour qu'il se fasse manger par un poisson ». Là, ça faisait partie du plan de Dieu, mais là, lui, par contre, Eliduc est un peu scandalisé. Là, littéralement, fils à putain, donc fils de pute. Et c'est littéralement comme ça qu'il est traduit dans les lettres gothiques, effectivement. Fils de pute, félon, misérable traître, tais-toi. Puis en fait, trop tard, parce que Gwyliadon a entendu que Eliduc était déjà marié, et elle s'évanouit de choc en apprenant qu'il l'avait, en fait, il l'avait trompé, il lui avait menti. Donc, Eliduc se retrouve avec une Gwyliadon évanouie, qu'il croit morte. En fait, elle a l'air morte. C'est un peu le thème de la Belle Endormie, soit donc de la Belle au Bois Dormant ou de Blanche-Neige. Donc, c'est un des premiers exemples médiévaux de ce personnage endormi qu'on trouve. On peut aussi remonter à la Volsunga Saga pour la Belle Endormie, effectivement. Dans le Cercle de Feu. Mais à chaque fois, c'est très différent. Là, en l'occurrence, elle va être réveillée avec une herbe médicinale, ce qui est aussi ce qu'on trouve, par exemple, dans une version occitane, Frère de Joy et Sœur de Placer. Donc, c'est pas vraiment le baiser d'amour qui va la réveiller. Non, c'est plutôt une fleur amenée par une belette. Parce qu'il l'amène, en fait, dans une église, dans un ermitage où elle va être regarder et il va fréquemment la visiter et du coup sa femme le fait suivre, découvre le poteau rose et elle voit cette dame morte et elle se lamente parce qu'elle comprend que c'est l'amie de son mari et que elle est si belle que c'est un drame. Puis là elle voit une belette arriver dans l'église, son serviteur la tabasse la belette, et il y a une autre belette qui l'accompagne, la belette qui arrive, qui voit la belette morte, qui essaie de la réveiller mais ça marche pas, donc elle va chercher une fleur dans la forêt. Il y a une espèce de croyance en que les belettes avaient un savoir pour être beau, voilà. Et elle ramène la fleur qu'elle la met dans la bouche de la belette morte qui revit. Donc quand elle voit que cette fleur rouge a ramené la belette à la vie, après s'être fait tuer d'un coup de bâton, elle dit à son serviteur qu'il faut arrêter la belette pour lui prendre la fleur, et on la met dans la bouche de la jeune femme Gwyliadone qui se réveille. Ce genre de croyance est probablement lié justement aux croyances, à des croyances folkloriques sur l'hibernation des belettes ou des choses comme ça, en fait. Le fait que les belettes peuvent ranimer leur père. Ou alors peut-être que les gens adoraient tabasser des belettes et remarquer qu'elles étaient plutôt coriaces, enfin, des choses comme ça. Mais c'est assez courant ce genre de croyances-là. Puis un truc qui est assez commun avec la version de occitane de Frère de Joy, c'est que on a cette idée que le personnage est mort, la dame est morte, mais que comme elle se décompose pas et qu'elle garde en fait son teint frais et qu'elle a l'air vivante, on a peur de l'enterrer vivante. On a vraiment cette peur d'enterrer les gens vivants, qui est assez forte, bon, qui est encore forte aujourd'hui j'imagine. Mais du coup, on les expose, on les met sur une espèce d'autel ou de piédestal, plutôt que les enterrer parce qu'on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment morts en fait. Mm. Puis là, on les met dans un ermitage, mais apparemment, quand Élie Duc arrive, l'ermite qui était là était déjà mort. Donc, on la laisse juste là. Juste sur la pierre tombale. Mais du coup, elle se réveille et elle dit « Oh Dieu, comme j'ai longtemps dormi !» Elle s'étire, la belle endormie. La dame rend grâce à Dieu et lui demande qui elle est. Et la jeune fille dit, commence à lui raconter son histoire. J'étais du royaume de l'ogre, fille du roi d'un pays. J'ai aimé Élie Duc. Et puis, quand j'ai appris qu'il avait une femme, je me suis évanoui. Il dit « Bah, ça tombe bien, c'est moi sa femme. » Elle est bonne copine, hein, la femme d'Élie Duc, parce qu'elle va rentrer au couvent pour permettre à son mari et à son ami, justement, de se marier. Ce qui est quand même pas très légal du point de vue du droit canon, mais ça semble marcher en tout cas. Oui, donc le mariage entre Élie Duc et sa première femme est rompu, puis il peut marier du coup Gwyliadone. D'ailleurs, Élie Duc, c'est vraiment le méchant de cette histoire en fait. Gwyliadone dit littéralement il m'a abandonné lâchement dans ma détresse en terre étrangère, il m'a trahi, je ne comprends pas pourquoi. Moult est folle qui homme croit. Donc moult est folle qui croit les hommes en fait, qui croit ce que les hommes, celle qui fait confiance à un homme. Misandrie. Très misandre. Mais c'est assez justifié en fait. Il y a ce courant dans ce livre. Alors, ça cadre pas tellement avec la fin, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle se venge d'Élie Duc ou qu'elle mette un plan, mais vraiment, Gwyliadone va pouvoir épouser Élie Duc au final, parce qu'Eladec va rentrer en religion, et Élie Duc va pouvoir doter son couvent. Mais il y a quand même un problème qui va subsister. L'état de l'ordre n'est pas non plus complètement rétabli, et au final, après avoir vécu quelques années ensemble dans le plaisir, à la fois Élie Duc et Gwyliadone vont quand même aussi eux-mêmes rentrer en religion. C'est comme s'il y avait un équilibre qui, quand même, ils ne pouvaient pas vivre heureux pour toujours jusqu'à leur mort et avoir des enfants, etc. Non, c'est vraiment, il y a quand même, ils ont gagné un moment ensemble, mais il va bien falloir revenir à l'état normal. Puis ils finissent tous dans des couvents et des monastères. Séparés par le genre, bien sûr. Mais du coup, ouais, il y a une espèce de sororité entre Guildeluec et Gwyliadone contre l'action d'Élie Duc, mais finalement, il a cette rédemption à la fin. C'est ça qui est un peu bizarre, en fait. Et puis Guildeluec est quand même sympa. Elle dit justement, je veux littéralement rendre la liberté à mon mari parce que je voulais juste savoir pourquoi il était triste, et puis je vois que c'est vous, et puis je suis contente que vous. Elle est contente que finalement ils soient réunis, et puis que ouais, ça rende l'ordre des choses. La bonne copine, comme je disais. C'était pas vraiment présenté comme une amante qui était follement éprise d'Élie Duc et puis qui est trahi par lui. Au contraire, c'est plutôt justement leur mariage était assez... Faut dire aussi qu'elle est en position de force, finalement, dans la relation. C'est elle qui a la légitimité, le pouvoir dans cette situation, puisque c'est elle qui n'est pas fautive. Ce qu'elle craignait au début, que son mari la croit fautive. Parce que bah, c'était aussi ça, un peu l'ironie, qu'elle croyait que son mari pensait qu'il l'avait trompée, mais en fait non, c'était lui. Et puis la fin, bien sûr, qui fait peut-être écho au fait que Marie de France pourrait être une abbesse. Oui, elle aurait pu elle-même être une femme de religion. Donc peut-être que ça fait écho justement à son idée que bon, allez, après toutes ces bêtises là, tout le monde au couvent. Get thee to a nunnery. None of you are free of sin. C'est ça. Et du coup, ça conclut un peu les 12 legs qui sont attribués à Marie de France, qui sont dans ce manuscrit Arlais 978. Qui montre justement une version quand même assez intéressante, qui est para-arthurien, parce que là on a vu, on parle de l'ogre, on ne parle pas d'Arthur, mais disons, il suffirait de pas grand chose pour nous en faire des trucs arthuriens. On a Tristan Iseult qui font une apparition, on a Landval qui est purement arthurien, et les autres qui. On va trouver des parallèles avec certaines choses dans des romans arthuriens aussi, donc on a quand même. Ça un peu dans le même genre de matériel. L'anneau et la ceinture que Gwyliadone, par exemple, donne à Élie Duc, on retrouvera plus tard ça dans. Le Gauvin et le Chevalier Vert, où c'est les cadeaux que la dame de Bertilac donne à Gauvin pour essayer de le tenter. Mais n'est-ce pas la tripartition européenne, effectivement. Mais, oui, on va. Le baiser, c'est le troisième. Ne serait-ce que parce que ça fait écho aux mêmes conceptions sur l'amour ou sur les tromperies ou ce genre de choses, on va avoir des parallèles assez évidents. Puis on est toujours un peu à la frontière du conte, on est à la frontière d'un matériau folklorique qui va probablement être réintégré régulièrement. Rien que quand on parlait des continuations de Perceval, des choses comme ça, on avait vu des épisodes un peu indépendants qui peuvent avoir été piochés dans ce genre de récit-là, de ce genre de parallèle. Et ça, à mon avis, ça rend ça intéressant sur le plan arthurien, même si c'est pas techniquement arthurien, quoi. We'll be right back. Donc voilà, c'était notre épisode sur les LED Marie de France. On a vu qu'il y avait quand même des thèmes communs assez intéressants. La femme mal mariée à un amant, c'était dans le Guigemar, dans Yonek, dans Milon, Lostik, le chèvrefeuille. Bon, ça c'est triste. Et puis finalement, l'amant mal marié à une. Le mari mal marié à une amante. Oui, mal marié. Qu'on vient de voir dans Eliduc. Le truc, c'est que Eliduc n'est pas vraiment malheureux parce que justement, il est en vadrouille. C'est pas l'amant qui est. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment qui est enfermé par son mariage, mais effectivement, on a un peu la même chose. Les mariages poussés par l'entourage, dans Équitant ou le LED du Frêne, où justement l'entourage du Seigneur lui dit qu'il peut pas rester célibataire et puis qu'il peut pas garder sa relation fricotée comme un bachelier toute sa vie. Les amants féeriques, une femme dans Landval, une femme féerique ou un homme oiseau dans Yonek, quand même cette idée de l'amant qui sort de nulle part. Et puis Bisclavret aussi finalement quelque part. Et puis Bisclavret, même si là c'est le personnage principal, c'est un amant féerique mais en tout cas, qui est plutôt monstrueux, mais du coup effectivement c'est plus mélusinien. L'amant déjà marié qui est bon, c'est pas un thème en soi, mais on a vu que dans Eliduc ça faisait écho à ce genre de problème du mariage, de même que la femme qui trahit son mari dans Équitant, où elle essaie carrément de le tuer pour pouvoir se marier, ou dans Bisclavret, où elle lui vole ses vêtements parce qu'elle a peur de lui, puis du coup il reste coincé en loup-garou. Dans les deux cas, il y a une espèce d'ambition, elle veut mieux que son mari. Hein. Elle veut mieux que son mari, elle veut grimper un peu dans les choses sociales, et du coup elle va se débarrasser de lui, soit parce que c'est juste un sénéchal, soit parce que c'est un loup-garou. C'est un loup-garou. Ce qui n'est pas terrible. Le thème aussi de l'enfant, qu'on retrouvera pas mal dans des romans arthuriens, l'enfant hors mariage qui est séparé de ses parents, puis qui les retrouve dans le lait du frère. Dans le Dionec, dans le Milon. Pas dans le lait du Frêne, il est dans le mariage, l'enfant même. Ils sont mariés, c'est un enfant, un enfant potentiellement illégitime. Potentiellement, effectivement. Voilà, illégitime ou perçu comme illégitime qui est mis au loin. Effectivement, c'est pas hors mariage, mais on a quand même cette idée-là. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans certaines histoires régulièrement. L'enfant au loin qui fait ses preuves en tant que chevalier, puis qui, grâce à un signe donné, est reconnu, c'est quelque chose qu'on va voir dans les enfances de Gauvin, par exemple, dans les enfances de divers personnages, typiquement Lancelot, même si c'est un peu spécial, mais l'enfant qui doit après accomplir sa destinée, ce qui est finalement ce qui va devenir le modèle pour Arthur, même si c'est pas complètement le modèle pour Arthur à la base. Hein, mais... Il existe, le truc c'est qu'Arthur existe dans cette tradition indépendamment, puisque ça... Il est l'enfant illégitime, mais son éducation par occultée, disons, occultée, c'est à partir de Boron, en fait. Ça n'existe pas, donc on peut y voir effectivement l'influence de Marie de France, peut-être. Peut-être, ou simplement de ce motif du qui existe déjà, du célèbre, effectivement. Et qui, voilà. Et bon, après, l'enfant trouvé, on trouve ça, je veux dire, Moïse, oui, hein, c'est clair. C'est aussi mieux que la Bible, voire plus. Et aussi, bien sûr, le commentaire et le souci sur le lait lui-même, et surtout sur son titre, que ce soit le Chétivel, est-ce qu'il doit vraiment l'appeler le Chétivel ou les Quatre Deuils, le Chèvrefeuille, qui mentionne justement littéralement le titre, qui est aussi un titre anglais, le Gotlef, ou Eliduc, qui devrait peut-être s'appeler Guildeluec et Guilliadon, si on voulait suivre les vœux de Marie de France, pour mieux souligner qui est le héros. Ce qui n'est pas complètement cohérent, parce que certains des laits qui sont nommés d'après les protagonistes ne sont pas en fait les héros non plus. C'est-à-dire que par exemple Yonek, Yonek c'est assez relatif quoi. C'est relatif, et Équitant, c'est le méchant. Ouais, donc, c'est clairement nommé d'après les protagonistes, mais est-ce que c'est vraiment les héros ou quoi? Je trouve que ça traduit bien l'anxiété autour de la traduction, autour du statut linguistique et de la transmission de ces textes. Un texte plus long, un roman plus, disons, légitime, peut avoir plus d'autorité en lui-même et n'a pas besoin d'être explicité autant dans ce texte. Là, il y a cet intérêt pour la traduction, cette référence aux différents le Nichtigal du Rossignol, du Lostik, le Gotlef, ça indique une traduction qui existe en anglais, mais ça aussi indique du coup que ces gens peuvent l'avoir entendu dans plusieurs langues et peuvent y penser dans des termes différents. Et ça, je pense, c'est aussi assez essentiel parce que c'est des textes qui sont revendiqués comme venant de la langue bretonne. Alors, à quel point c'est le cas? Effectivement, on a vu, il y a des titres qui semblent assez évocateurs. Le titre de Eliduc, comme elle le présente avec ses deux, justement, noms, qui sont liés par un « ha », c'est Guildeluec et Ha Guildelon, ou quelque chose comme ça, ce qui est un mot breton, en fait. C'est une conjonction bretonne. Donc, il y aurait là-dedans vraiment un fond breton. En tout cas, c'est probablement, comme on l'a dit, c'est les plus ouvertement celtes des textes arthuriens, en tout cas en français, pour ce qui est de leur lien direct avec le monde celte. Avec disons, il y a des liens, effectivement, dans Gauvin, l'existence même du personnage d'Arthur, évidemment. Mais là, c'est vraiment le lien avec des textes précis, dans des textes précis qui sont revendiqués comme étant eux-mêmes celtes. Puis qui était une tradition orale, c'est-à-dire que, à partir du moment... Orale et écrite, elle en parle parfois comme... Oui. Ils ont été écrits, peut-être déjà en français, peut-être que certains les a entendus, peut-être que certains les a lus... C'est vraiment assez incertain, mais ils circulaient en tout cas. Il y a la volonté de les préserver, tandis qu'à partir du moment où on arrive dans les cycles en prose, je veux dire, le Lancelot en prose n'existait pas dans une forme orale où les gens récitaient ce truc pendant 52 heures. Voilà, hein, c'est ça, il y a la volonté de... Là, par de... contre, on a quelque chose qui est clairement... Bon, ça peut être récité, on peut imaginer une récitation qui soit faite. Mais c'est plus une volonté de compilation, en fait. Ouais. De ce qui en fait est le comme on l'a dit au début, le trait commun des écrits qu'on attribue à Marie, celui de préserver, compiler et rendre accessible à des gens qui n'auraient pas forcément les compétences linguistiques pour avoir ces textes, qu'ils soient en latin ou en breton ou peut-être même en anglais. C'est un souci similaire mais qui est un peu différent, je pense. Oui. C'est clairement la notion des cycles en prose, on en discutera quand on en parlera, mais il y a aussi une volonté sans doute de simplification, de rendre la chose plus accessible. Peut-être plus lisible, en tout cas de la faire perdurer, de la rendre cohérente. Chez Marie, c'est pas nécessairement un souci. L'intérêt est plutôt de préserver des histoires parce qu'elles ont une valeur esthétique, mais surtout morale. Oui, c'est vrai, plus que la valeur esthétique, c'est la valeur morale parce que elle change. Elle le dit elle-même. Le lait qu'elle a entendu ou le lait qui en parle n'est pas celui qu'elle chante nécessairement, mais l'important c'est le message. Oui. La valeur morale, par exemple, c'est très clair avec Équitant, par exemple. Oui, on est très proche. On est très proche du fabliau ou même de la fable. Qu'elle a d'ailleurs aussi écrit. Elle a d'ailleurs aussi justement écrit des fables. En les traduisant des fables d'Ésope. Je pense qu'on va vous laisser là-dessus pour cette semaine. Pour une fois, un épisode qui fait moins de 2 heures, j'espère. Oui, on va voir ce que le montage donne. Mais on peut toujours rajouter 1 heure de musique dedans pour atteindre notre quota habituel, exactement. Parce que sinon, on va vous faire bizarre d'avoir un épisode plus court. La prochaine fois, on aura un épisode un peu spécial. On va commencer cette tradition en fait, de l'épisode hors série de juin, je crois. Parce que c'est l'épisode passée, pour votre été. Vous prenez à la plage, vous savez, avec les quiz, quel héros arthurien êtes-vous, les mots fléchés. Les mots fléchés, le test des crèmes à bronzer pour avoir le meilleur bronzage quand vous revenez à la rentrée de la réunion de la table ronde en septembre. Quel héros de la table ronde êtes-vous ? Exactement. Mais on va vous parler en fait du livre Kaamelott, un livre d'histoire. Vous savez peut-être qu'il y a eu un colloque à Paris sur la série Kaamelott où différents historiens ont surtout parlé en fait de la représentation que la série Kaamelott donnait du Moyen-Âge et de l'Antiquité. Donc c'est surtout un livre qui parle, le colloque et le livre qui en résulte du coup parle surtout de la représentation, comment Kaamelott montre ces périodes-là, puis du coup des spécialistes de différents domaines qui vont essayer de donner leur avis. Il y aura finalement assez peu de littérature arthurienne dedans, c'est-à-dire qu'on va quand même le mentionner et en parler, mais on va quand même essayer de vous présenter ce livre pour voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant dedans. Je pense que c'est quand même un élément d'actualité intéressant en fait, qui sort maintenant. On peut aussi vous parler du livre qui est sorti il y a un peu plus de quelques années maintenant, presque déjà bientôt, le livre de William Blanc, Le roi Arthur, un mythe contemporain, qui est aussi un mythe, un volume arthurien assez conséquent, même s'il est effectivement moins lié à la littérature. Je pense qu'on peut faire cet épisode de juin un épisode concernant l'actualité arthurienne en général. On va essayer de vous faire un peu d'actualité, parler peut-être des quelques projets de films dont on a entendu parler récemment. C'est le genre de truc qui ne vaut pas la peine, dont on vous parlera pas chaque mois, parce que il n'y a pas non plus tant d'actualité arthurienne que ça. Non, mais ça peut être intéressant d'avoir faire le point un peu chaque année sur l'état de la culture arthurienne dans le monde moderne. Donc ce sera un petit peu un pot pourri, mais je pense que ce sera intéressant justement qu'on puisse parler de ça. Et puis aussi, si vous avez des questions pour nous, c'est l'occasion. Envoyez des mails. C'est le moment, si vous voulez avoir un commentaire qui soit répondu dans le mois, parce qu'on aura la place pour vraiment y répondre. Sur ce, je pense qu'on va vous laisser ici avec ce qu'on vous a dit sur Marie de France, et on espère vous retrouver la prochaine fois pour cette discussion. À très bientôt, du coup. À très bientôt. Thank you. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Connaissez-vous Ludographie Comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou, c'est moi, dissèque un élément d'un jeu vidéo, un signe vidéoludique, et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid, le score dans le premier Mega Man, le choix dans The Stanley Parable, la difficulté à rebours dans Braid. Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa.